Répondu à mon invitation et une fois de plus je vous remercie. Nous allons donc aborder ce sujet, mais avant de pouvoir passer à ce beau sujet, j'aimerais une fois de plus dire d'abord merci. Si vous avez bien compté, c'est 6 fois merci. Le merci pourquoi? Parce que depuis un certain temps je constate un grand engouement. Que l'honneur et la gloire, la puissance, l'adoration, l'élévation, les félicitations, tout cela revienne à Teta Mwanga, revienne à Teta Nzambe, revienne à l'être suprême, l'innommable et l'innommé. Celui d'abord. Car il y a à peine et moi, je ne m'imaginais pas de partir à 7000 personnes qui me suivent. Je sais qu'il y a des millions de personnes qui me suivent, car il y a une vidéo qui a battu le record, c'est la vidéo « Comment piéger un sorcier ?» On approche les 150 000 vues. Je ne m'y attendais pas. Et c'est ainsi qu'il y en a d'autres également, tels que sur la mort, ça atteint plus de 90 000. Et bien d'autres, j'en passe. Cette petite chaîne, par ma modeste personne, je ne m'y attendais pas en un mois d'avoir presque 4 000 abonnés. Mes félicitations à vous. Et Ce qui sont en tête, bien sûr, c'est là où je suis né, le Gabon. Je vous remercie, je suis touché. Vous imaginez que le Gabon, je ne savais pas que vous m'aimiez autant. Il y a eu 2050 personnes qui se sont abonnées en un mois. 2050 sur les 3600. Suivi par le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas les nombres en tête. Je sais que le Cameroun est autour de 700 et quelques. La Côte d'Ivoire, je crois, autour de 500. Le Bénin et le Togo également, ils ont battu un record. Je ne pourrais que vous remercier. D'accord? Dans les forums, je vous donnerai encore un autre remerciement spécial. Donc, merci. Il y a en effet moins d'un mois, je vous avais dit que je risque de ne plus faire trop de lives et que mon dernier live devait être le 17 juin. En plus, c'était hier. Mais hier, comme j'étais en déplacement pour des raisons de travail, voilà pourquoi je renvoyais ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je ne vais pas trop parler. Je vais faire intervenir trois personnes. Ces trois intervenants vont vous parler, vont partager avec vous leur expérience sur ce sujet du jour. En fait, à quoi servent les pouvoirs que nous laissent nos ancêtres, que nous laissent nos parents, votre père, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, quelqu'un de votre famille va partir au pays où l'on ne revient pas, sauf par la volonté de Teta Mwangalibangabanga, c'est-à-dire par pouvoir délégatoire, les maîtres invisibles peuvent décider que vous reveniez au sein de la même famille pour une prochaine et une autre incarnation consciente, pour ceux qui sont déjà initiés, et une incarnation inconsciente, ceux qui ne sont pas initiés. Alors, ce sujet est très important parce que nous avons des familles qui se divisent. Moi-même, j'en étais victime, mais c'était mon père qui était plutôt la victime, car son père, donc mon grand-père, avant de nous quitter, avait laissé un pouvoir. Mais il décida autrement. Je ne veux pas trop en dire sur ceci, donc vous comprenez tout de suite l'importance de ce sujet. Tous ceux qui me suivent ici, sûrement parmi vous, il y a des gens dont les familles ont laissé des pouvoirs. Vos parents, avant de partir, ont laissé des pouvoirs. Mais nous assistons malheureusement à un laisser-aller à certains membres de famille. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs sûrement qui ont été laissés, donnés à l'aîné ou donnés à la maman, laquelle devait gérer ce pouvoir-là pour que nous, ce que nous appelons Gomien, Gopanga, Inyomba Roduma, Gopangense Roduma, Gopangense Roduma, Gopange Mbueyo, Nakaka, Nabambo, veut dire pour permettre vos générations futures de garder une connexion avec les partants, avec nos ancêtres, et de permettre cette famille donc de dominer, d'avoir le succès. Et nous connaissons beaucoup de familles comme ça autour de nous qui aujourd'hui sont tranquillement à l'aise parce que ces personnes ont maîtrisé justement ces pouvoirs que les parents ont laissés. Mais d'autres sont plus malins, ils les volent, tout simplement, ou ils négocient. Et quand ils constatent que l'aîné ou bien le dernier-né à qui on a laissé le pouvoir, eh bien, on veut négocier, on veut acheter ce pouvoir-là parce qu'on voit quelque chose d'important. Et ces pouvoirs, ce ne sont que des symboles. Ce ne sont que des symboles. Je n'en dirai pas trop. Pour le moment, je vais vous prendre. À cause du temps, je vais limiter à chacun des intervenants. Il y a deux mamans que j'ai choisies qui se sont portées volontaires. Et il y a un frère, et vous le connaissez déjà. Vous le connaissez. C'est un prêtre. Il est de la confrérie du roi Makoko. Et c'est le sang propre du roi Makoko. Si vous avez entendu parler du roi Makoko, c'est son propre arrière-petit-fils de sang, et qui est de ce sang royal, et qui est également prêtre, et qui exerce dans l'ombre. D'accord? Lui, il viendra partager avec vous ses connaissances sur ce sujet-là, c'est-à-dire les pouvoirs qu'on nous donne. Hein? Ces éléments qu'on nous donne, à quoi ça sert et pourquoi il y a certains qui en fait cachent ça. Et il y a même les Mindélés, donc il y a même des Blancs qui viennent acheter ces pouvoirs. Je vous en dirai pas plus, je vous donne un exemple. Vous connaissez celui qu'on appelait Savrogna de Brazza. Savez-vous ce qu'il a fait? Et là, le propre petit-fils du roi Makoko m'écoute, il est là branché. Le roi Makoko avait l'une de ses filles. Mais Savonien des bandits, pardonnez-moi, je l'appelle des bandits. Effectivement, c'est un bandit. J'ai écouté cette histoire par quelqu'un qui est né au Congo. Il est professeur agrégé certifié international. Il voyage à travers le monde. Vous le connaissez, le professeur Philippe Obeng, que j'aime bien. Il a fait son témoignage et j'ai fait des recherches sur ce que le professeur Obenga avait raconté. Rassurez-vous que monsieur le professeur Obenga n'est pas un menteur. Hein. C'est un grand professeur reconnu et d'ailleurs qui est beaucoup critiqué par la plupart des érudits aujourd'hui parce qu'ils sont contre ses connaissances, ils sont contre ses vérités. C'est lui, effectivement, auprès de qui j'ai appris que l'une des filles du roi Makoko finira par porter le chapeau de Savornia de Brazza. Mais ce chapeau de Savornia de Brazza, pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville, souvenez-vous, il y a un timbre où on montre la fille du roi Makoko portait le chapeau de Savornia de Brazza. Mais ce chapeau de Savornia de Brazza était un chapeau rempli de pouvoir. Et ce chapeau, je n'en dirai pas plus. Donc, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'était les grandes lignes que je viens de vous donner. Ça va tourner autour de ça. Et à la fin, donc, vous aurez l'occasion et l'opportunité de poser des questions. Donc, tout de suite, je vais me connecter avec l'une des intervenantes, d'accord? Parce qu'il y a deux mamans qui se sont portées volontaires pour pouvoir nous assister sur ce sujet-là. Alors, et le frère également va nous assister. Donc, je parle du petit arrière-petit-fils du roi Makoko que vous connaissez. Bien. Nous allons commencer par Maman Lily, si elle est prête, je vais l'appeler. Et tous les intervenants, je vous préviens, s'il vous plaît, à cause du temps, je vais accorder chacun 10 minutes. Donc, moi-même, j'aurai 10 minutes, vous également 10 minutes, et 4 fois 10, ça fait 40, pour que le reste de temps, nous puissions le consacrer à répondre à vos questions sur la thématique du jour, ou encore, comme d'habitude, probablement, sur d'autres, peut-être sur d'autres questions que vous allez me poser. Allô, maman, bonjour d'abord, enfin bonsoir, je vais dire. Comment vas-tu? Bonjour à ceux qui sont ici et bonjour chez toi et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Ça va. Bien. Je vais très bien. Voilà. Et tu sais pourquoi je t'ai invité? Ce sujet est un sujet. Ce n'est pas seulement chez nous en Afrique, même chez les Blancs. On a vu les gens se battre à cause des pouvoirs. Et on a vu même, et d'ailleurs il y aura une intervenante qui va parler même de ce qui s'est passé également. Il y en a près de 27 histoires comme ça dans la Bible. Mais la personne va nous rapporter une histoire qui s'est passée également au sein du peuple juif. Alors, partage un peu avec nous, si tu peux, s'il te plaît, en 10 minutes, nous dire en fait à quoi servaient les pouvoirs. Que les familles léguaient aux restants, c'est-à-dire que les pouvoirs que les partants... Je tiens à informer tout le monde ici que ce n'est pas tous les partants, ce n'est pas toutes les familles qui avaient ce don-là, mais toujours est-il qu'il y avait quand même quelqu'un de spécial au sein de vos familles. Voilà, qu'on choisissait. On a donné votre famille, n'importe qui. Voilà, alors tu as la parole, maman. Ben, pour ma part, je suis concernée personnellement. Je suis née avec un don de voyance depuis l'âge de 3 ans, ça a commencé. Et puis, mon arrière-grand-mère étant décédée, j'étais une enfant très solitaire. Très, très solitaire. Donc, on est venu dire à ma mère que sa grand-mère était décédée. Et elle est venue vers moi, et c'était mon homonyme, elle est venue vers moi en pleurant. Elle m'a dit que sa grand-mère était décédée. Je l'ai regardée, je dis non, elle n'est pas décédée, elle dort, laissez-la dormir. Elle va se réveiller. Je précise bien, j'avais 3 ans. Et puis, étant décédée au village, tout le monde a commencé à se préparer, tous les obsèques et tout. Je parle des années 70. Hein. C'est comme ça, vers 16 heures, elle commence à bouger. Elle commence à bouger et les gens ont pris peur. Et finalement, elle s'est réveillée. Or, elle était décédée dans la nuit. Elle était décédée dans la nuit. Donc, vers 16 heures, elle s'est réveillée. À partir de là, j'ai attiré l'attention de tout le monde. J'étais cataloguée sorcière, pauvre de moi. Et je croisais quelqu'un et je pouvais dire si la personne avait un rendez-vous, il y avait quelque chose, ou si c'était quelqu'un qui pratiquait des mauvaises choses, automatiquement, je détestais cette personne et c'était vice-versa. La personne ne m'aimait pas et je n'aimais pas la personne, ou je dévoilais ses secrets. Donc, ce qui fait en sorte que je me suis mise à dos tous les sorciers. Tous les mauvais sorciers, parce que tous ne sont pas forcément mauvais. Donc, et à partir de là, l'arrière-grand-mère étant revenue en elle, elle a demandé à me voir. Apparemment, elle m'aurait donné des choses. Mais après, quelques temps après, elle a fait venir les gens. Elle a dit, maudit soit celui qui me maudira et béni soit celui qui me bénira. Et apparemment, dans la famille de ma mère, du côté de sa mère, ma grand-mère maternelle, il y a un don de voyance, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être pur, il faut avoir un cœur pur. Et ça va d'aîné en aîné, en fait. Mais si tu pratiques des mauvaises choses, ça te saute. Et voilà comment je me retrouve avec ce don. Je ne sais pas d'où ça vient, excusez-moi. Et en même temps, mon père, de son côté, lui aussi, c'était un initié. Mon père, il jouait à la sitar et tout. Donc, je me suis retrouvée avec les dons des deux côtés. Et lui, il me disait toujours, quand il me voyait, il me disait toujours, toi, tu as la sitar. Tu es une sitar, tu as la sitar. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Or, du côté de ma mère, c'était des chrétiens, c'était pour eux, c'était, oh mon Dieu, c'est Satan, c'est le diable, c'est cela. Bon, bref, voilà comment je me retrouve avec les dons que je ne sais que depuis petite, je ne sais pas d'où ça vient et tout. Et en grandissant, ça, j'ai grandi avec et ça devenait de plus en plus fort, que ce qui fait en sorte que je me suis retrouvée avec, on va dire, au sein de la bagarre où chacun essaie d'avoir ce pouvoir-là. Et mon arrière-grand-père, par qui vient ce don, lui, il était enfant unique, il avait été préparé par sa famille maternelle. Donc, sa richesse devait venir par là, par le don de voyance et soigner les gens. OK. Par les dons. Excuse-moi de t'interrompre. Donc, par tes dons de voyance à toi, et c'est ce courant-là que lui devait utiliser, c'est cela, pour sa richesse. Voilà, c'était sa richesse à lui. Donc, ce qui fait en sorte qu'il s'est retrouvé avec plusieurs femmes sans avoir doté. Et on ne doit pas faire des sacrifices, que ce soit avec les poules ou quoi que ce soit, ou des chèvres, rien. Ça ne doit pas avoir un lien qu'on ne doit pas utiliser un sacrifice qui fait couler le sang. Donc, on lui a donné une plante, avec travers cette plante-là, qu'il soignait les gens. Pas de sacrifice, rien du tout. Donc, moi, je me retrouve au milieu de ça, et tous ces nièces et neveux et enfants, eux, ils avaient les yeux. Je me suis retrouvée avec les ennemis jusqu'à aujourd'hui, quand je dis ennemis. Donc, pour ne pas t'interrompre, dès l'âge de 3 ans, oui. tu le découvres, c'est quand tu grandis que finalement, la grand-mère t'a légué ses pouvoirs, mais... L'arrière-grand-mère, oui. Voilà, mais seulement tu ne savais pas comment t'en servir, mais que les yeux, ceux qui ont les yeux ouverts, bon maintenant pour ceux qui me suivent en direct, quand on parle de l'expression les yeux ouverts en Afrique ou bien le vampire, veut dire... Ceux qui ont l'esprit éveillé, ceux qui ont cette intuition-là de voir des choses sans être forcément initiés, hein? Mais par contre, ceux qui sont initiés, ils sont avancés dans cette vision. Ceux-là, ils avaient le pressentiment, effectivement, que tu détenais quelque chose et qu'il fallait forcément qu'ils prennent ça de toi. Et en plus, non seulement il y avait ça, et il y avait interdiction de voir la tombe de cet arrière-grand-père. C'était l'interdiction par rapport à sa descendance. Afin que cette personne-là soit riche, ou parce que sa richesse de toute la famille devait venir de lui, de cette voyance-là, des soins, et aussi qu'on ne devait pas voir sa tombe où il est enterré. Mais toi, tu étais un peu ce que je peux appeler le réceptacle. Exactement. Donc, ce qui fait en sorte que ça me vaut des haines, y compris celle qui m'a mise au monde. Parce qu'elle aurait souhaité, elle, avoir ses pouvoirs. Comment se fait-il qu'il faut remettre ça entre les mains d'une fille qui est innocente, qui ne connaît pas grand-chose sur la sorcellerie négative, c'est-à-dire tu détiens des pouvoirs, mais tu ne veux pas les utiliser pour faire le mal, mais seulement comme tu n'as pas la véritable, peut-être, formule de pouvoir mettre ça en œuvre pour la famille, c'est cela. Exactement, ce qui fait en sorte que quand je suis allée, la première fois que je suis allée me faire initier, elle m'a bloqué le passage. Or, je devais aller à la rencontre de cet arrière-grand-père et il devait terminer maintenant le travail sur moi. Donc, chaque fois que j'essayais de me faire initier, on me barrait la route. Point très important. Chers auditeurs, vous qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Congo, souvent, vous qui me demandez les initiations, là, alors quand vous irez vous initier, hein, sachez-le qu'il y a des gens qui vont prendre conscience. Voilà pourquoi je vous interdis de ne pas parler. Si vous allez dire à vos parents que je m'en ai initié et que les parents savent que vous avez un pouvoir, mais que vous n'êtes pas conscient, vous essayez de vous poser des questions, pourquoi je souffre trop comme cela, eh bien, ces parents-là vont vous contourner, vont aller à l'avance. Quelle que soit l'initiation, que ce soit Bouiti, que ce soit Nzobi, quelle que soit l'initiation, donc les parents peuvent vous bloquer. Bloquer veut dire quoi? C'est que quand vous sortez maintenant dans l'astral, les esprits de ces parents-là vont vous mettre un bandeau noir. Donc vous n'allez rien voir du tout. Et c'est ainsi qu'on assiste le genre, je suis allé manger le bois sacré, je n'ai rien vu. Voici un peu ce qui explique le phénomène. Continue, maman. Donc la première fois, et le pire, c'est que la première fois, j'ai vu moi-même cette initiation 2 ans avant. J'ai vu comment ça allait se dérouler de A à Z et c'est ainsi que ça s'est déroulé, cette initiation. Je l'avais vu, je l'avais vécu. Déjà spirituellement, je l'avais déjà fait, cette initiation, 2 ans avant. Et on m'a montré exactement en tout point comme ça allait se dérouler. Ce qui fait en sorte que quand je me suis fait initier, j'ai dit, mais j'ai déjà vécu ça. J'ai vu ça quelque part. Mais où est-ce que j'ai vécu ça? C'est après que je me suis rendu compte que mais j'avais déjà vu ce rêve-là. En fait, inconsciemment, je m'étais déjà fait initier spirituellement et ça s'était déjà produit, qu'on m'a barré la route. Et là, je le vivais maintenant une seconde fois. Oui, c'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis du déjà vu. Le déjà vu veut dire c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous avez comme l'impression que ce que vous vivez, et je le dis dans les forums, que ça se répète. Mais vous, comme vous avez vos yeux ouverts, et c'est ainsi que dans le monde du rêve onirique, vous aviez voyagé dans l'espace et le temps pour quelques 10, 20, 30 ans plus tard pour revivre maintenant ce que vous avez vécu dans le rêve, dans le passé. Exactement. Donc, ce qui fait en sorte que... Et quand j'avais acheté les choses, c'était vraiment exactement tout ce que j'avais acheté, la personne a donné à sa belle-fille et les choses qu'on avait déjà utilisées, c'est les choses qu'elle m'a remises. D'accord. Maintenant, une dernière question à cause du temps. Oh là là, c'est triste. Maintenant, aujourd'hui, puisque tu es consciente de tout cela, est-ce que cela expliquerait pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas dire le pays où tu te trouves, tu as préféré laisser tous ces palabres-là au pays et t'exiler quelque part et vivre, reformer ta nouvelle vie quelque part dans un pays d'Europe. Exactement, exactement. Exactement, parce que je me retrouve, on va dire, 99% de ma famille ado. Oh là là, les pauvres ignares. Au lieu qu'ils puissent te dorloter, tu es une déesse, au lieu qu'ils puissent te faire venir que maman, voilà, de manière positive, c'est toi qui détiens le pouvoir. Nous allons rentrer en communion avec l'arrière-grand-mère, grand-père et tout, faire des cérémonies, et toi, tu vas parler parce que c'est toi qui as le socle, c'est toi qui as ce pouvoir-là, et puis voilà. Mais comment... Ils ont raté leur coche parce que j'ai dû repartir, cette fois-ci, dans le pays d'origine de mon père. Wow. Parce que ma grand-mère s'était manifestée à une compatriote du côté maternel, en disant que si l'accès était interdit du côté maternel, va dans ton pays paternelle. Là, tu me fais allusion à la Guinée équatoriale. Exactement. Étant de père équato-guinéen et de mère gabonaise, donc je me suis rendue en Guinée équatoriale. Vu que ce sont eux qui m'appelaient, ce qui fait en sorte que mon bain, parce que normalement le bain, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en deux jours. Non. Mon bain était juste l'eau pure et la poudre. Et c'est le jour même qu'on a fait le ndémé qu'on a dit, on t'attend le même jour, tu viens. Et le bain, c'était l'eau et la poudre. Merci. Ils avaient déjà eux-mêmes fait tout le travail spirituellement sans que je le sache. Merci. Donc, il fallait juste que je le fasse maintenant sur le plan ici. Oui. Et je l'ai fait, je suis partie. J'ai vu cet arrière-grand-père. Il m'a donné le bâton avec lequel je dois travailler. Donc, soigner les gens, consulter. Et il m'a donné en même temps cette plante-là avec laquelle il soignait les gens. Mais dommage que là, tu ne peux pas partir au village, puisque tu connais où se trouve cette plante. Tous ces mecs-là de la famille qui sont devenus des ennemis juste par ignorance. Donc voilà, ça existe. Merci. Mais ce sont eux qui perdent. Ce sont eux qui perdent. Merci beaucoup, maman, d'avoir partagé, maman Lily, d'avoir partagé avec nous ton expérience. Pour résumer sur ce que la maman vient de dire, vous l'avez bien suivi. Chaque famille, souvent, il y a certains qui détiennent des pouvoirs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous verrez que si ceux qui sont chrétiens, allez-y lire l'histoire d'Abel et Caïn, l'un d'eux avait un pouvoir. Et ce qui a fait en sorte que le Dieu s'intéresse à lui. Vous allez lire l'histoire de M. Enoch, c'est pareil. Vous allez lire l'histoire d'Abraham, c'est pareil. L'histoire de Moïse, c'est pareil. Et allez-y pour ceux qui sont musulmans également, vous lirez l'histoire du prophète Mohammed. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait l'école, mais il avait un pouvoir. Et ce pouvoir, il le détenait de qui? Réaliser les essais secrets du prophète Mohammed. Toute personne qui a dirigé le monde a eu toujours un pouvoir. Maintenant, au sein des familles, ces pouvoirs, malheureusement, chez nous en Afrique, il y a certains, ce n'est pas que le côté négatif, suite au témoignage de notre maman, il y a des familles qui savent bien gérer ça et qui prospèrent très bien. Au Cameroun, j'en connais des familles Haoussa qui l'ont fait, des familles Bamileke qui l'ont fait, parce que c'est parti de génération en génération. Nous avions connu un papa appelé Papa Taro au Gabon. Il vivait à Port-Gentil. Je connais son histoire parce que maman, après séparation avec mon père, vivait avec le petit frère de papa, celui qu'on appelait Papa Taro, Papa Jean. Et donc, j'ai vécu cette histoire. J'ai été moi-même au Cameroun quand j'étais inspecteur. J'ai vu comment ça se passe. Cette famille-là prospère. Mais donc, retenez pour se résumer sur cette affaire. Merci beaucoup, maman. Je vais prendre l'appel d'une autre personne. Sur le témoignage de la maman, il y a des familles qui savent bien gérer ces pouvoirs qu'on vous donne. Ces pouvoirs de la famille, ça s'appelle les pouvoirs de la famille. Et ça part de génération en génération, rassurez-vous. C'est-à-dire, ça peut aller 200 ans, 500 ans, 1000 ans, et ça doit continuer. D'accord? Maintenant, je vais prendre une deuxième maman avant d'écouter notre prêtre sur ce sujet. J'espère qu'elle est belle et bien prête pour qu'elle aussi, elle vienne ici. Dans un autre aspect, elle va rentrer dans les archives du passé. C'est-à-dire, il y a des exemples également qui sont rapportés quelque part. Ce sont des exemples que nous trouvons dans les livres saints. Et cette histoire est rapportée dans la Bible et dans le Coran. C'est un peu compliqué parce que là où j'appelle le Gabon. Et le réseau, c'est pas facile. L'autre maman, c'était facile à voir parce qu'elle est en Europe. Le réseau passe très bien au niveau de l'Europe. Bon, mais je vais être patient. Soyons patients un peu. Je crois que elle va répondre au moment venu. J'allais déjà raccrocher pour rappeler. Bon, je ne sais pas si tu es branché sur le live, mais c'est maintenant à ton tour. En 10 minutes, si tu peux, en 10 minutes ou moins de 10 minutes, Essayez de partager avec nous l'expérience du thème du jour. L'expérience du thème du jour, c'est quoi? À quoi servent les pouvoirs que les parents nous donnent? Est-ce qu'au niveau de la Bible, nous avons des exemples également des parents qui voulaient se battre, se tuer à cause des pouvoirs? Et ces pouvoirs servaient à quoi? C'est un peu ça le thème. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Tu as la parole. Allô? Oh là là. Vous comprenez que ce n'est pas facile avec l'Afrique. On a un problème de... Oui. Est-ce que tu as écouté... Oui, allô? Tu as écouté ma question? Oui. Voilà. Une question. Oui, la question, tu as suivi la question sur le thème. Est-ce que tu es branché sur le live? Bon, la question au temps de biblique, au temps d'Isaïe et Jacob ou quoi? Ouais, la question est sur justement, est-ce qu'il y a des exemples de temps passés ou dans la Bible ou je ne sais pas dans quel livre? Bon, tu vas nous parler de l'histoire de la Bible sûrement. Est-ce que tu connais un exemple dans la Bible où on nous parle justement à quoi servent les pouvoirs? Et est-ce que nous avons des exemples où les gens peuvent se battre à cause des pouvoirs, se faire la guerre à cause des pouvoirs? Bien sûr. Alors, on t'écoute. Les gens peuvent se faire la guerre à cause des pouvoirs. Nous avons l'exemple d'Isaïe et Jacob. Isaïe et Jacob étaient le fils d'Isaac et de Rebecca. Selon la famille d'Isaïe, ce sont les fils premiers-nés le plus souvent qu'on donnait. Les bénédictions à la mort du père, le père avant de mourir donnait les bénédictions, les richesses et tout. Donc, il s'avère que parmi les deux enfants, c'est le plus grand qu'Esaïe. Esaïe, normalement, Jacob devait. C'est le plus grand Esaïe qui devait avoir. Oh là là, on est interrompu. Ouais, donc, selon. C'est son père. Il a son droit de naître parce qu'il avait faim. Ok. Oui, il a vendu son droit de naissance parce qu'il avait faim. D'accord. Donc, parce que dans la loi... C'est le moment de donner la bénédiction, oui. Donc, dans la loi juive à l'époque, c'est que, selon la tradition d'antan, il paraît que ça existe qu'aujourd'hui, c'est souvent l'aîné à qui on devait remettre le droit de naissance, c'est-à-dire c'est que le droit de naissance qu'on appelle ici, c'est-à-dire que les pouvoirs, le commandement, le bâton de commandement, c'est ça? Oui, le pouvoir, la richesse, la grande partie de la richesse de la famille. C'est à l'aîné qu'on devait remettre ça. Donc, ça devait être remis à Esaïe. À Esaïe, ok, d'accord. Mais, voilà, c'était lui l'aîné, les jumeaux. C'était des jumeaux, hein? Oui. Mais lui, il était sorti le premier. Mm. Donc, il s'avère qu'il avait faim. Il a demandé à son frère à manger. Et un plat de lentilles, et le frère lui a dit, si je te donne à nous condition, tu me donnes le droit de naître. Bon, il a pris ça à la légère. Il a dit, oui, je te donne le droit de naître. Et lorsque le moment est arrivé, le papa était déjà très vieux, et entre-temps, le Dieu que eux, ils priaient, avait dit à la mère que c'est au petit frère, à Jacob, que le droit de naître, à qui on devait remettre la bénédiction. Donc, avec la complicité de la maman, Jacob a eu la bénédiction à la place de son frère Esaïe. Comment ça s'est passé? Comme Esaïe était très velu, donc elle a demandé à son frère de tuer un animal et de faire porter la peau. Étant donné que le papa était aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait que c'était son frère, son premier-né. Hein? C'est comme ça qu'il a donné la bénédiction. En pensant que c'était Esaïe le plus grand. Mais il s'avère que lorsque Esaïe découvre que son père a donné la bénédiction à son petit frère avec la complicité de la mère, donc il demande encore un peu de bénédiction. Le père dit non, ton frère m'a trompé, j'ai déjà tout donné à ton frère. Donc, c'est pour dire que effectivement, même au temps biblique, c'est une histoire d'abord qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de la Genèse, le chapitre 25, le chapitre 25 jusqu'au verset 28. Pour ceux qui lisent la Bible, ils pourront vérifier ça dans la Bible. Donc, le pouvoir, là, c'est depuis les temps bibliques, On a toujours discuté le pouvoir. Ah. Ceux qui sont plus malins ont toujours pris le pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec les deux frères. Voilà. Le plus malin a dribblé l'autre. Bon, maintenant, quand on écoute le témoignage de la maman ici, Ésaü, c'est l'aîné. Donc, logiquement, selon la tradition juive, c'est à l'aîné que ça revenait. Mais la maman, donc le même Dieu de cette famille, se révèle à la maman pour dire non, en fait, c'est le plus jeune. Et le plus jeune, donc, a fait le jeu qu'il a fait, et c'est lui qui a reçu la bénédiction. Pour résumer sur cette affaire, le papa en question qui donne la bénédiction s'appelle Isaac. Vous connaissez Isaac, n'est-ce pas? Fils d'Abraham, l'unique fils qu'il avait eu. Donc, il a fait les jumeaux avec, je crois, Rebecca ou Rachel? Avec Rebecca, Rebecca. D'accord, Rebecca. Maintenant, Jacob, imaginez-vous. Jacob devint plus tard qui? Israël. Et voilà pourquoi vous voyez ce peuple d'Israël a un grand succès sur terre. C'est parti de Jacob. Jacob, donc, normalement, les pouvoirs et les bénédictions ne devaient pas lui revenir. Ici, nous apprenons quelque chose, c'est que au sein des familles, quelqu'un peut être désigné par la famille pour recevoir le pouvoir, mais malheureusement, quelqu'un d'autre de plus malin va vous faire la guerre. Ça peut être votre frère ou votre soeur. Que moi, je veux le pouvoir, là, coûte que coûte. Il me le faut, il me le faut. Il me faut ce pouvoir. Eh bien, certains cèdent par la peur. Regardez la première maman qui a intervenu. À cause de la peur, elle n'a pas cédé, mais elle a préféré fuir le pays là-bas, le Gabon ou l'Afrique en général. Elle a un pied au Gabon, un pied en Guinée équatoriale. Et se retrouver finalement en Europe. Voyez-vous, d'autres tiennent mordicus. Ils se disent, le pouvoir, je l'ai. Même si toi, tu as volé ce pouvoir, tant mieux. Mais l'histoire est triste parce que la maman n'est pas allée loin, parce que j'ai lu la même histoire. C'est que je parle de l'histoire d'Ésaü et Jacob. Le pauvre Ésaü, finalement, eh ben, il s'est retrouvé ailleurs. Et Jacob est celui-là même qui a fait finalement les 12 tribus que vous connaissez. Et c'est de ces 12 tribus qui font créer la diaspora dans toute la zone de l'Afrique, à gauche et à droite. Donc, nous avons vraiment un exemple typique qui est pris de la Bible. Il y a bien d'autres exemples comme ça que vous connaissez. La même histoire est reprise dans le Coran et bien d'autres. Merci pour ton intervention, maman. Est-ce que tu as une conclusion à donner par rapport à ton histoire? Oui, j'ai une conclusion à donner. La conclusion est celle-ci. Lorsque les bénédictions ne sont pas à vous, ce n'est pas la peine de vous approprier des bénédictions qui ne vous appartiennent pas. Parce que ça a des conséquences par la suite. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Bonne soirée et merci encore. Et nous allons continuer. Oui, nous allons maintenant prendre le troisième intervenant, s'il est prêt. Il viendra également partager avec nous son témoignage. Merci encore. Hein. Bien. Cette histoire, vous la connaissez, tirée de la Bible. Pour ceux qui sont chrétiens, vous connaissez bien l'histoire des fils gémeaux, des fils jumeaux, pardonnez-moi, les fils jumeaux d'Isaac. Et vous savez combien de temps Isaac a fait pour avoir ses enfants-là. Maintenant, comme il était déjà très vieux, bon, la maman vous a tout dit, je ne veux plus revenir dessus parce qu'on est sur le timing là. Il y a des gens plus malins, comme elle a conclu. Maintenant, je vais prendre l'arrière-petit-fils, le petit-fils du roi Makoko, de la lignée même de sang qui viendra nous parler. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui aime la discrétion, mais il ne m'empêche pas de parler de lui. C'est un prêtre. C'est un prêtre. D'accord, il me dit qu'il avait un travail à faire, mais il est présent. Ok, j'espère qu'il est prêt. Maintenant, lui aussi, il viendra nous parler. Allô, mon frère. Oui, bonsoir, mon frère. Comment vas-tu? Non, ça va. Moi, j'avais un travail. Tout à fait, je constate. C'est pour cela que j'ai respecté l'intimité. C'est pour cela que nos ancêtres m'ont dit non. Ne l'appelle pas tout de suite. Il faut commencer d'abord par les mamans. Parce que nos mamans, là, elles ont les pouvoirs. Donc, laisse le frère tranquille. On se communique en esprit, rassure-toi. J'avais tout compris. Alors, le sujet qui est sur la table, c'est celui-là que tu connais. Je t'en ai fait part. Aujourd'hui, finalement, à quoi servent les pouvoirs que les ancêtres nous laissent? Mais malheureusement, la deuxième question, c'est que ces pouvoirs-là, parfois, tombent sur de mauvaises mains. Ou tombe sur des bonnes mains, mais à quoi réellement servent ces pouvoirs? Est-ce que ça peut faire quelque chose de bon vraiment pour la famille? Et ça ne s'applique pas seulement en Afrique, mais il paraît que même en Chine, en Russie, un peu partout à travers le monde, c'est des trucs très sérieux. Alors, explique-moi un peu comment ça se passe au niveau de Mbanza Congo. tout a commencé là-bas. Comment ça se passe? Aujourd'hui, dans chaque famille, il y a, ça peut être soit un totem, soit un objet quelconque, soit une, ça peut être aussi quelque chose de valeur, quelque chose qui n'a pas aussi de valeur. Et quand on te le lègue, c'est l'esprit en fait qui choisit, ce n'est pas la personne qui choisit lui-même. Mmh. C'est l'esprit qui choisit la personne. Parfois, ça ne peut pas venir chez l'aîné de la famille, parfois ça peut venir chez le Benjamin, parfois ça peut venir chez n'importe qui. Bon, mais généralement, on donne souvent chez l'aîné parce que l'aîné, on considère que l'aîné c'est le premier. Parce que l'aîné détient, traditionnellement, quand on est aîné de la famille, on a 95% de tous les pouvoirs des ancêtres, même si on n'est pas initié. Parce que le mot, tu connais toi le chiffre 1, c'est le chiffre suprême. Mm. Donc, quand tu es l'aîné de la famille, même si tu n'es pas initié, tu peux être facilement, tu peux rentrer facilement dans les arcanes de mystère, parce que tu as les doigts de l'aîné sous ton front. Mm. Donc, généralement, il donne à des personnes qui sont aînées. Mais après, tu sais, la tradition se développe comme les sciences. C'est comme les mathématiques. Elles s'adaptent par rapport à l'environnement, par rapport à l'évolution de l'homme. Les éléments de la nature ont constaté que il n'y a pas que seulement l'aîné qui peut faire des bonnes choses. Parfois, l'aîné est mauvais, mais le petit frère, il est bon. Mmh. Du coup, la tendance a été tournée. Qui fait que c'est maintenant l'esprit qui choisit. Les ancêtres, on avait maintenant décidé, comme au lieu que nous nous choisissions nous-mêmes, il est préférable qu'on vous donne l'autorisation que vous-même, les esprits, vous choisissez la personne qu'il faut pour pouvoir prendre cet héritage-là. Et ça avait commencé à causer des problèmes dans certaines familles, même dans Banza Congo, en Angola, tout parce que c'est là où même j'avais même le petit frère du roi Makoko, il était même jaloux parce que c'est à roi Makoko qu'on avait légué pas mal de pouvoir, et son grand frère, qui était le chef suprême de Banza Congo dans les années 1500, lui, il n'avait pas ce pouvoir-là. Son grand frère qui était, ils vont jusqu'à 100, 120 ans, il avait fait la jalousie à son frère Makoko parce que Makoko, on l'avait donné le pouvoir de la fourmi. C'est là où il est réputé, on dit que Makoko s'est transformé en fourmi. Mmh. Et ça avait causé des problèmes dans leur famille. Bon, maintenant, ce pouvoir-là s'est transformé de génération en génération. Ils ont transmis ça dans la calebasse. Ce qui fait que aujourd'hui, moi, j'ai cette calebasse-là. Cette calebasse que j'ai, il y a certaines personnes dans la famille qui veulent l'avoir, qui sont jaloux parce qu'ils veulent aussi avoir ce pouvoir. Il y en a d'autres qui se sont pliés. Malgré leur âge, ils sont plus grands que moi, mais ils me respectent. Maintenant, ces choses-là ont les avantages et les inconvénients. Avant que tu continues, s'il te plaît, avant que tu continues, donc, l'esprit de ton arrière-grand-père, en fait, a décidé de te choisir pour te remettre cette calebasse, correct? Oui. Mm. Parce que cette calebasse demande l'humilité. Il faut être humble. Il faut avoir un grand cœur. Mm. Il faut être neutre. Il ne faut pas avoir un parti pris. Parce que quand tu as un parti pris, tu n'es plus dans les arcanes de la tradition. Or, la tradition, c'est quoi? C'est la neutralité. Il ne faut pas seulement défendre le bon, il faut aussi voir celui qui est mauvais. Parce que celui qui est mauvais aussi, il peut être important. Mm-hmm. Il y a certaines choses, il y a certains actes qu'il peut poser, qui peut sauver aussi des personnes, des vies. Voilà. C'est là où on a pris, je prends l'exemple souvent d'un fou. Un fou qui est dans la famille, tout le monde le traite de fou, mais un jour, il va voir sa soeur qui est menacée. Le fou va aller aider sa soeur pour sauver sa soeur. Mais le fou l'a fait quoi? Il a posé un acte légitime. C'est là où on dit que même un fou peut te sauver la vie, même un fou peut te rendre service. Du coup, l'esprit choisit la personne qu'il veut, qu'il trouve, qui est digne, qui a un cœur bon et mauvais, et un cœur bon et humble. Et maintenant, l'inconvénient est où? L'inconvénient est que tu n'auras plus de vie, tu ne seras plus un homme normal. Oh. Parce que, oui, parce que cette chose-là demande la discipline. Il faudrait que chaque fois, à des moments où tu peux être assis, la chose peut t'appeler, te dire viens. il y a quelque chose qui se passe. Il faut que tu regardes, il faut que tu résous ça. Tu peux être au boulot, tu peux être n'importe où, ça peut t'appeler. N'importe dans n'importe quel pays. La personne peut t'appeler là où tu es. Maintenant, si tu as une femme qui ne respecte pas ça, la femme là peut mourir. Parce que la calebasse là n'aime pas qu'on puisse lui mettre les bâtons dans les roues. Ou bien une femme qui fait trop le bruit. Voilà. Une femme qui parle beaucoup. Une femme qui ne pense qu'à elle. Oh non, toi, tu fais seulement ça. Tu fais que aider les gens. Tu n'as rien en retour. Hein, machin, patati patata. Le bruit, elle n'est pas finie. Cette femme-là finira par être folle. Sans même toi, tu n'interviens. Ils vont la rendre folle. C'est ça, je peux dire ça, c'est un peu l'inconvénient de cette calebasse. Mmh. Et maintenant, ça peut aussi être aussi une canne. Parce que j'ai la calebasse, j'ai la canne, j'ai le chapeau. Tu vois le chapeau de ma coco qui a des plumes là. Oui. Oui, ça aussi j'en ai, on me l'avait légué. J'ai le collier aussi. J'ai aussi la dent. Parce que dans la tradition Congo, quand le chef du roi mourait, on enlevait sa dent de sagesse. On remettait ça à l'héritier. Au prêtre qui va garder les reliques de la tradition. Et du coup, moi, cette dent-là, on me l'avait donnée. Et cette dent-là, je la garde jalousement. Mais il ne faudrait pas qu'une femme puisse mettre des bâtons dans les roues. Cette dent, ces choses-là n'aiment pas le bruit dans la maison. Mmh. Faut pas qu'il y ait des disputes dans la maison. Bien sûr. Faut pas que la femme, quand elle vient, elle gueule, elle dit ceci, elle refuse de faire à manger. Donc, s'il y a pas mal de choses que tu dois laisser là où ça demande même toi, le propriétaire de ces reliques, d'avoir un grand cœur. C'est-à-dire, il faut que tu puisses prendre le fardeau de cette femme pour supporter, pour apaiser les choses. Parce que toi, tu t'engueules aussi, tu suis le courant de cette femme. Bah, écoute, bon, c'est moi aussi qui paye le courant. Tu vas faire quoi? Bah, écoute, si tu ne veux pas, bon, tu laisses. Cette chose va s'énerver contre cette femme. Elle va dire, ah bon? Bah, tu lèves le dos contre ton mari. Attends, tu vas voir. Et la chose va agir. Ce qui explique pourquoi certaines femmes, au passage, je donne l'information à tout le monde, qui étaient mariées à certains initiés, mais le fait qu'elles faisaient des actes bizarres et que même si le mari était mauvais, mais quelqu'un qui était dans ses esprits, eh bien, ces femmes-là, lorsqu'elles quittent les hommes, lorsqu'elles quittent cet homme initié, elles finissent la vie bizarre, hein? Elles n'arrivent pas à trouver un homme dans sa vie, elles passent des moments difficiles, d'autres sont même mortes bizarrement. Oui, parce que l'esprit-là cet esprit-là va la suivre, va la coller. Et durant toute sa vie, elle sera toujours dans des problèmes, dans des situations. Mais toi, en tant que... C'est ça. Bon, moi, ma question, parce que, excuse-moi, mais là, je veux partager ma vie privée. Parmi les personnes que je connais de par le passé, malheureusement, bon, elle est déjà morte suite à cela. Elle ne voulait pas écouter. Mais est-ce qu'il y a possibilité, quand la personne vit, elle prend sa vie, elle prend son chemin, est-ce qu'il y a possibilité de supplier quand même le pouvoir de la libérer totalement pour que vraiment, malgré, la pardonner, quoi, malgré tout ce qu'elle a pu te faire en tant qu'initié de ces grands mystères? Oui, ça c'est une bonne question, grand frère. C'est là où commence le vrai sujet. Mais c'est là où je dis que les gens ne font jamais la tradition comme il faut. Aujourd'hui, grand frère, les gens font la tradition parce qu'ils ont été déçus de quelque chose. Ils viennent à la tradition. Toi-même, tu vois, aujourd'hui, les Tamites reviennent à la tradition parce qu'ils ont entendu un courant qui fait que non, l'Afrique, en train de se lever, ils se tournent vers la tradition. Ça, c'est des malgaffes, c'est des malgames. Ils mélangent tout, la politique et la spiritualité. Voilà. Aujourd'hui, les gens viennent à la tradition, ils pensent qu'on vient à la tradition seulement comme ça. Comme si on rentre dans les toilettes, on te sert tout. Et tu invoques ton grand-père, il vient, il te donne tout ce que tu veux. Je ne vais pas t'interrompre. Je ne vais pas t'interrompre. Moi-même, je suis victime dans les forums. La majorité qui vient, je suis même surpris. Ma chaîne est maintenant à près de 12 000 abonnés. Je dis, mais comment ça a commencé ça, à moins de mois, 4 000? Je découvre, beaucoup viennent, c'est pour les consultations. Oh, moi, j'avais consultation. On ne vient pas dans le but de pouvoir s'élever spirituellement, avoir tout ce qu'il faut pour vous élever. Non, la première des choses, c'est l'égoïsme. Moi, je veux d'abord qu'on me consulte. Je veux quelque chose pour devenir riche. Bref, continue, papa. Voilà. C'est là où, Quand, en fait, quand je disais, la dernière fois qu'on va faire un enseignement là-dessus, pourquoi les gens n'arrivent pas à avoir des résultats quand ils invoquent les ancêtres, c'est parce qu'ils ne respectent pas certaines choses. Aujourd'hui, dans l'enfance, ils ne savent pas que si dans ta vie, si tu avais insulté un membre de ta famille, même si quand tu étais petit, si tu volais 100 francs dans le porte-monnaie de ta mère, cet acte-là va te suivre jusqu'à la vieillesse. Parce que tant que tu ne payes pas ça, tu ne vas jamais avancer. Mais pourtant, ce sont des actes malaisés, enfantins. Ah, ne perds pas tes... Aux yeux des ancêtres, ce n'est pas enfantin. Voilà, ne perds pas tes pensées, papa. Et c'est ce que j'ai dit aux gens. Je vois beaucoup de mamans et des frères et sœurs, des fils qui viennent pleurer. Toi-même, tu as vu, je te les confie parfois. Oh, vraiment, ma vie est carboignée. Je ne sais pas par où il faut commencer. Ce n'est pas possible, on m'a mangé. J'ai dit, calmez-vous, madame. Calmez-vous, monsieur. Non, non, non. Mais c'est cela, justement. Quand vous étiez jeune, vous étiez au lycée, vous étiez au primaire, quel était votre comportement? Continue, vraiment, je ne vais pas gaspiller tout. Vas-y, on t'écoute. Et à cause de cela, l'esprit de nos ancêtres s'est éloigné de l'homme en lui-même. Parce que ceux qui nous ont précédés, ils se sont sacrifiés pour notre liberté. Mais nous, en retour, qu'est-ce qu'on leur donne? Rien. Ils nous ont rien demandé. Mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, au moins, on s'exprime quand même. Bien qu'il y ait encore cette colonisation qui continue. Mais le plus grand combat de la liberté, de l'expression, au moins, ils ont combattu sur ça. D'où il y a des Tamites qui s'expriment, qui n'hésitent pas à revendiquer leur richesse, leurs droits. Mais en retour, est-ce que nous faisons le sacrifice pour les honorer? C'est ça le problème. Est-ce que nous nous portons aussi le fardeau pour qu'eux, ils puissent agir dans la vie de ces hommes-là? C'est ça le problème que les Tamites ne comprennent pas. Voilà pourquoi tu vois, c'est surtout les chrétiens, quand ils quittent, quelqu'un quitte la religion, il vient de la tradition, il pense que de la tradition, quand il va venir, il aura la solution comme une baguette magique. Mais non, il faut que tu manges le sable, tu dois manger la sueur de ton front pour avoir les résultats. Parce que l'ancêtre va d'abord voir est-ce que réellement tu viens pour avoir le salut ou bien tu viens seulement pour avoir un intérêt. C'est ça. Et aujourd'hui, les gens font des ablutions seulement comme ça parce qu'ils doivent faire des ablutions. Ils ne savent pas que les ablutions nécessitent les points cardinaux, nécessitent un certain nombre de dispositions. Aujourd'hui, par exemple, enfin, il y a une dame qui m'appelait, elle me dit, moi, tous les matins, je verse l'eau au sol. Je parle à mes ancêtres, oui. Mais dans quelle direction tu verses l'eau? Voilà. Ou seulement comme ça, non? Mais attention, écoute. Quand tu verses, il faut verser l'eau dans la direction où le soleil se lève. Parce que quand le soleil se lève avec les énergies et tu reçois en faveur des ancêtres les énergies que tu demandes. Mais quand tu vas verser l'eau à l'ouest, tu tournes la porte d'eau, mais tu vas recevoir de la malédiction, tu ne recevras pas la bénédiction. Mmh. Je disais à cette femme, vous priez, quand vous allez à l'église là, vous priez, oh Dieu, donne-moi un mari. Mais Dieu ne sait pas que le Dieu, vous ne savez pas que vous avez vos problèmes. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est la récitation que vous faites. Qu'est-ce qui se passe? Pardonnez, il y a une petite perturbation. Bon, en tout cas, nous allons maintenant arrêter dans les minutes qui suivent. Est-ce que tu es encore là, papa? On a été perturbé, veuillez me pardonner. Ouais, mon téléphone me signale que c'est en train de rechercher, il est en train de chercher la connexion. Bon, on a été coupé. C'est pas grave. Je vais quand même l'avoir pour les 5 dernières minutes pour vous permettre de poser les questions, hein? Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai promis qu'on va parler moins. Voilà, nous avons encore 6 minutes avant d'atteindre une heure pour vous permettre de poser des questions. D'accord? Mais je crois qu'il a dit l'essentiel. Mmh. Bon, je crois que tu as dit tout l'essentiel malgré les caprices de l'Internet. Alors, pour conclure, quel est le mot que tu peux adresser à tous ceux qui, de loin et de près, sont maintenant avec nous? Et quand je dis avec nous, hein, tu n'étais pas peut-être là. Je crois que je t'avais averti que d'ici là, je me ferai rare pour faire des lives et que tu fais partie des personnes de temps en temps qui viendra faire passer des enseignements quand le temps le voudra, quand ton calendrier aussi le permettra, parce que tu es aussi très occupé. Maintenant, puisque tous les enfants qui sont avec moi ici, là, c'est toi-même, tu m'as donné beaucoup de rites, qu'aujourd'hui, ces rites, je te signale qu'il y a l'un des rites que tu nous avais donné ici, là. Oh là là! Comment piéger un sorcier? Je te dis que ça, c'est le rite qui bat le record en ce moment, où j'étais surpris en une semaine, il y a eu plus de 12 000 qui ont suivi, et aujourd'hui, la vidéo est partie de 100 000 à 112 000. Donc, ça veut dire que ce que tu nous donnes, maintenant les gens vont découvrir. Ça vient du roi, le vieux roi Makoko. Pour ceux qui ne connaissent pas le roi Makoko, documentez-vous s'il vous plaît. C'était quelqu'un de très, très et trop puissant. Et jusqu'aujourd'hui lui-même, son arrière-petit-fils est là et témoin. J'ai été à Pointe-Noire. Ses arrière-enfants, ses arrière-petits-fils, y compris celui qui nous parle, c'est la raison pour laquelle il n'est pas aujourd'hui au Congo. Il est obligé de vivre en exil. Il y a des gens qui cherchent à les éliminer parce qu'ils ont refusé de donner les pouvoirs. Ils sont obligés de vivre dans les forêts, cachés. Ils sont obligés d'utiliser les pouvoirs de l'invisibilité. Donc, à chaque fois, on veut apercevoir un chui, il disparaît. Confirme ce que je dis, papa. Si, c'est bien ça, en fait. C'est même ça. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu vas dire sur ce sujet? Quel conseil porterais-tu donc à notre peuple Kémite, Kouchite, qui nous suit ici? Et qu'est-ce qu'ils vont garder comme conseil pratique à partir de cette conversation? Moi, ce que je peux conseiller, comme je le dis toujours, quand il ne faut jamais céder le pouvoir à n'importe qui. Quand on vous donne un pouvoir, parfois vous ne le savez pas, il y a des gens qui ne savent pas. C'est souvent un passeur peut venir dire, mais toi tu as un truc là, il faut que je prenne ça parce que ça va te rendre malheureux. Au contraire. Il sait que ça va te rendre riche, mais c'est lui qui va prendre pour te rendre malheureux. Et c'est là où on devient encore ignorant. On a encore la malédiction doublement et doublement dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui, je pensais aux Kamites, respecter les héritages que les parents vous lèguent. Même si c'est un morceau de pain. La mère te dit, ce morceau de pain, il faut le garder, mettre ça dans ta poche tous les jours. Il ne faut jamais le montrer à quelqu'un. Il faut le respecter. Mais aujourd'hui, les Kamites n'ont pas de secret. Ça parle. Ils disent tout à tout le monde. Ils parlent trop. Ça parle. Ils parlent trop. Dès qu'il a un petit truc, il va faire j'appelle ça le vagabondage de la parole. Mais en faisant ça, tu exposes toi-même ta propre vie. Et la personne qui est plus forte que toi va faire quoi? Va prendre. Et il va te laisser la malédiction. Il ne faut jamais accepter de pouvoir se faire ravir l'héritage qu'on nous donne. On doit garder ça jalousement. Si on dit ne dis pas à ta femme, tu gardes ta bouche bée, c'est tout. Mais aujourd'hui, il y a des Kamites, ils disent bon, j'ai confiance, mais ils ne savent pas qu'en disant à la femme, cet être-là, cet esprit, ne coïncide pas. La vibration ne coïncide pas avec la vibration de la femme. Voilà pourquoi on dit on a interdit. Il faut d'abord passer par un certain nombre de rituels pour que ça puisse coïncider. Sinon, ça peut la rendre folle. C'est comme si on voit un enfant de 10 ans qui va porter un bidon de 25 litres. C'est impossible. Mais s'il a le pouvoir pour porter le bidon de 25 litres, il va le porter. Mais il ne va pas dire à la personne pourquoi il porte le bidon de 25 litres. Donc, c'est son secret à lui-même. Donc, je prends le conseil que je peux donner, que les Kamites puissent garder le silence. Merci. Ils ne puissent pas beaucoup parler. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. On parle beaucoup pour rien. Dès qu'il y a un petit truc, il va faire des... Et surtout, il s'expose surtout sur les Facebook, les réseaux sociaux. C'est ça encore qui est pire. Aujourd'hui, qu'on fait, tu ne verras pas le marabout de Macron sur YouTube. Il va venir sur YouTube ici, là, pour venir dire que moi, je suis le marabout de Macron. Jamais. Non. Pourtant, il en a un. Voilà. Mais pourtant... Je le connais bien. C'est quelqu'un que je côtoie. Mais parfois, on ne sait pas, comme disait mon grand-père, quand tu rentres même dans un marché, tu ne sais pas le petit que tu regardes là, c'est peut-être lui qui fait les dégâts dans ton village, mais tu ne sais pas. Donc, ça, c'est une sagesse qu'on nous apprenait. Le corps est comme un carton. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le carton peut être beau à voir, mais à l'intérieur, il y a la pourriture. Le carton peut être mauvais, à l'intérieur, il y a des bonnes choses. Donc, comportons-nous seulement comme un régime de banane. Ça veut dire qu'une banane ne pousse pas seule. Quand une banane pousse, les autres suivent. Et le secret de la banane reste dans le régime. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont jamais connu le secret du régime de banane. Pourquoi la banane ne pousse jamais seule? Pourquoi elle ramène toujours les autres doigts de banane? Mais c'est parce que la banane a un secret, c'est l'unité. Le régime de banane, ils sont unis. Donc, soyons comme les régimes de banane. Et je pense qu'en ce moment-là, il y aura des choses qui seront révélées. Et plein de choses qui seront même le ciment qui m'a vous l'avait dit. Tant que l'Africain ne comprendra pas que ce n'est que lui-même, son propre destructeur, c'est lui-même. Son propre élévateur aussi, c'est lui-même. C'est à ce moment-là qu'il aura les yeux ouverts. Voici quelqu'un qui te... Avant que tu nous libères, voici quelqu'un qui nous pose une question là. Il dit ceci. Question au petit-fils du roi Makoko. Comment faire si nous sommes choisis par les ancêtres, sachant que nous ne sommes pas dans la tradition? Que faut-il faire? C'est-à-dire que tu comprends le sens de sa question. C'est-à-dire, il est choisi par les ancêtres. C'est un exemple, c'est peut-être pas forcément lui, mais il pose une question générale que si nous on est choisi par les ancêtres, mais on n'est pas dans la tradition, tu peux donner ton avis tout de suite. Je crois que la réponse va être claire de ta part, puisque c'est toi qui parles. Mais si on est choisi par les hommes, on n'est pas dans la tradition. Mais ça signifie qu'un, il faut rentrer dans la tradition. C'est obligatoire. Maintenant, si vous ne rentrez pas dans la tradition, vous emmenez le malheur vous-même. Si la personne elle est choisie, la personne amènera le malheur. Tant que la personne n'a pas rentré dans la tradition, cette chose, il ne prend pas cette chose qu'on lui a remis, et la personne souffrira. Il pourra aller voir n'importe quel marabout du monde. Et le marabout, parfois, rien voit, va seulement lui dire, il n'y a rien, mais au fond, il y a quelque chose qui bloque. Mais c'est parce que cette chose-là fait de sorte que tu ne puisses pas voir clair. Il faut que tu viennes à la tradition. Voilà. Soit il revient à la tradition, soit il va dire au responsable qui a envoyé cette esprit, mais on ne peut pas dire, parce que si cette personne est morte depuis des années, et cet esprit en train de guérir dans la famille, t'a choisi toi, tu dois rentrer la tradition. Mais moi, je pense que quand on est choisi, c'est une bénédiction même du ciel, parce que actuellement, nous sommes au 21e siècle, il y a des gens qui en cherchent, même les trésors les plus profonds de l'Atlantide. Jusqu'à présent, que les gens recherchent pour trouver l'Atlantide, mais ils ne trouvent pas. Il faut avoir les yeux les initiés. Alors, combien de fois qu'on a cette chance d'être choisi? D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Je te remercie pour le temps que tu nous accordes. Donc, je vais faire la conclusion. Et je répondrai à leurs questions. Merci encore, papa. Vraiment, merci. Mais sache que tu es le numéro un que j'ai choisi. Quand je serai absent là, dans mes histoires là, où je ne serai pas trop régulier, je crois que tout le monde ici tombe unanimement que c'est toi qu'on va choisir. Tu feras de temps en temps des interventions ici pour pouvoir édifier le peuple. Non, il n'y a pas de souci, grand frère. Merci beaucoup. C'est le mot que le peuple soit aussi très édifié lui-même. D'accord. Merci beaucoup. Ne cherche pas de gauche à droite. Le secret se trouve seulement dans la terre. Voilà. Les éléments de la nature. Merci beaucoup. Seulement là-bas. Merci. Merci encore pour ta contribution. Merci. Merci. Bien. Merci. Cher peuple Kamit, chers frères et sœurs, ainsi prend fin notre live de ce soir. Je vais répondre à vos questions. Mais voici la simple conclusion que je tirerai de ceci. Vous avez entendu la maman. La première maman a répondu à la question que la personne qui a posé, que si vous êtes choisi, mais que vous n'êtes pas dans la tradition. Mais rappelez-vous du témoignage de la première maman que j'ai prise, n'est-ce pas? Elle n'avait que 3 ans. À 3 ans, les parents, les arrière-parents l'avaient déjà choisi. Mais ça a un âge avancé, je dirais proche de la quarantaine, qu'elle décide elle-même de rentrer dans la tradition. Elle rentre dans la tradition en allant se faire initier. Et c'est quand elle s'initie qu'elle découvre Elle vous l'a dit. Écoutez la vidéo du début à la fin. Je prie encore trop prendre du temps. Elle vous l'a dit. Suivez cette... D'ailleurs, c'est elle qui ouvre le débat au début de la vidéo. Écoutez-la très bien. Elle répond à la plupart des questions que vous vous posez ici. D'accord? Maintenant, vous avez suivi les différentes interventions de notre maman depuis Libreville, qui vous a donné l'exemple d'Ésaü et de Jacob. Et vous connaissez. Jacob, ce n'est pas lui normalement qui devait avoir le pouvoir. Mais regardez, Jacob a usurpé le pouvoir sous couvert de sa mère. Et au sein des familles, nous avons des femmes comme cela. Vous, le mari, vous voulez donner les pouvoirs normalement à votre fils aîné ou bien à votre fils que vous aimez bien, mais la maman va détourner cela pour pouvoir prendre peut-être l'enfant qu'elle, elle aime le plus. Et c'est ce qui se passa pour l'exemple triste. Le cas des enfants du pauvre Isaac, il était déjà très vieux, fatigué. Il donne les dernières paroles. Très important, lorsque vous avez un parent qui meurt, pour ceux qui ont le privilège d'être à côté. Moi, j'ai eu le privilège d'être à côté de mon père quand il m'a quitté. J'ai gardé tous les mots qu'il m'a dit. Et ça résonne ici. J'ai écrit carnet secret, personne n'a le droit de le lire. J'ai gardé également deux choses qu'il m'avait données, que je ne dirai jamais aux gens. Notre frère et le prêtre du roi Makoko ici vous a dit que quand on vous donne des informations ou des secrets, évitez de les divulguer n'importe comment. Souvenez-vous que chaque fois que je vous donne l'enseignement ici, chaque fois que je vous réponds au discours dans les forums, je vous dis toujours quoi? Je vous dis, il y a des choses, normalement, dans le monde du mysticisme ou dans le monde mystique, il y a des choses qu'on ne dit pas, qui ne se disent pas au public. Mais il faut le face-à-face et vous comprendrez. Et parfois, on n'est pas obligé de répondre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Mais maître, je pose des questions, j'attends toujours ma suite. Mais c'est parce que vous-même, vous avez la réponse. Ce n'est même pas nécessaire que je vous en parle. Je ne veux pas chaque fois rentrer dans votre vie intime pour découvrir tous vos problèmes les plus profonds. Voyez-vous, ça me gêne beaucoup quand je regarde cela. Et autre chose, retournons un peu dans le 21e siècle. Regardez ce qui se passe dans la plupart des églises. Que mes frères pasteurs que je respecte bien me pardonnent. Mais il y a un constat amer. Au sein des églises, nous assistons à des cérémonies dites des cérémonies de purification, de destruction de vos reliques, de destruction de vos pouvoirs. Le pasteur va vous dire, il faut qu'on te délivre. Délivrance spéciale. Hein, pasteur, délivrance. Oui, oui, oui, tu as des choses. Tu as des choses, il faut que tu les amènes ici. On va les détruire. Ou bien, on va les garder. Souvent, ces pasteurs, je vous signale, ils maîtrisent la mystique chrétienne. C'est-à-dire que c'est des mystiques. C'est des hommes spirituellement très forts. On ne peut pas être pasteur n'importe comment. Moi, c'est pas, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique. Mais si vous ne pouvez pas être pasteur tant que vous n'avez pas un esprit très fort. Et alors, ils savent, ils ont déjà vu le pouvoir que vos ancêtres ont laissé, que vous gardez dans la maison, dans un coin. Ils vous demandent d'amener ce pouvoir-là. Il vient toucher. Avant de le brûler, il le touche. Observez bien les scènes, les fameuses scènes de délivrance. Le pasteur dit, amenez-moi ça ici. Amenez-moi ça ici. Il regarde ça. Et quand il regarde, est-ce que vous savez les incantations qu'il fait? Il murmure. Mais il est en train de voler les entités de ce pouvoir. Tout comme nos amis, les colons ont fait auprès de nos ancêtres au 15e siècle. Lorsqu'ils sont venus détruire nos banjas. Lorsqu'ils sont venus détruire nos temples. Je vous amène toujours aux mêmes dates. De 1476 dans la zone de l'Angola. En 1478 au niveau du Gabon. Et en 1484... au niveau de Pointe-Noire et Brazzaville, dans ces zones côtières, ce que nos frères blancs ont fait en détruisant les temples. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont volé nos fétiches. Mais nos fétiches, c'est quoi? Nos traditions, c'est quoi? Mais ce sont nos masques. Et ces masques, vous les retrouvez où? Dans les musées. Mais pourquoi on ne trouve pas des masques européens? Pourquoi on ne retrouve pas? Les seules choses qu'ils nous ont données, c'est de nous mettre des statuettes de Brazza. Savonnière de Brazza. Vous partez à Brazzaville, école des machins. Vous partez au Gabon, on voit des carrefours Brazza. C'est quoi cette affaire-là? Parce que Brazza, qu'est-ce qu'il a foutu avec nous? Vous voyez? Et c'est de ça dont on parle. Donc, quand vous partez dans les églises, faites très attention. Hein? Vous n'allez pas dépouiller vos pouvoirs. Parce que rien ne vous rassure que vous allez finir votre vie là-bas. La connaissance est évolutive. Votre humble serviteur tout à l'heure, le petit-fils du roi Makoko, vous l'a dit. Que la connaissance évolue. Les grands mystères spirituels évoluent. Donc, par conséquent, vous devez faire très attention. Ce pouvoir qui vous a été légué par les parents peut voyager dans l'espace et le temps, aller de main en main. De main en main. Si vous, vous ne voulez plus que vous rentrez maintenant dans l'histoire des églises, mais vous dites au pasteur, non, non, non, non, moi je n'ai rien à vous cacher, vous voulez quoi? Mais comment vous savez qu'il y a un fétiche dans ma maison? Donc vous êtes maintenant devenu un sorcier. Le rôle d'un pasteur n'est pas de rentrer dans la vie intime d'un individu. Ces pouvoirs vous ont été légués par vos ancêtres. Moi, quand mes frères témoins de Jéhovah m'ont demandé, oui, tu as des choses, je dis, de quoi vous parlez? Et pourtant, je savais que mon grand-père m'a laissé des choses, que ma, comment dirais-je, bon, là, ma mère vivait encore, Dieu merci, hein? Que mon papa, qui vivait encore, à ce jour, mon père, ma mère, mon grand-père et mon oncle, du côté paternel, m'ont laissé des choses. Mais jamais j'oserais aller à une église de dire oui, ou bien parler devant vous que voilà, je vais vous montrer ça. Tout ce que vous me voyez porter ici, ça, c'est associé avec les milieux où j'ai été initié. Pour que ceux-là qui appartiennent à ces milieux, certains qui me suivent, sont là, ils sont contents. Mais mes pouvoirs à moi, qui ont été laissés par mes ancêtres, jamais aucune femme, aucun enfant n'osera même avoir accès. Et ça, personne ne le saura. Il y a certains qui ont tenté fouiller mes affaires privées, chercher à gauche, à droite, mais vous ne saurez point. Donc, c'est très important, hein, quand vous convertissez dans les religions. Seul l'islam ne fait pas des conneries comme ça. Mais au christianisme, une fois que vous convertissez, c'est fini. Donc tout ce que tu as, on va brûler au nom de Jésus. On va brûler, on va arracher. Et quand vous vérifiez bien, des fois, ils ne les brûlent pas. Le pasteur les prend et il va voir un marabout. Je vous signale que chaque pasteur au niveau de l'Afrique, y compris mon pays, le Gabon, ils ont des charlatans, ils ont des initiés qui leur consultent les arcanes. Moi, c'est parce que je garde le secret professionnel. Hein. J'ai beaucoup d'amis pasteurs qui me contactent, mais je ne veux pas vous partager avec vous ce qui se passe. Donc, il y a certains à qui nous faisons des consultations qui demandent de regarder certaines choses au sein de son église. Et quand nous, on regarde, il nous dit, mais voilà, on a délivré tel machin, tel membre là, mais regardez, il y a il y a la malamène là. Par exemple, chez le peuple Fang, c'est aussi chez le peuple Fang, ils ont quelque chose, un culte traditionnel qu'on appelle le Malana. Mais dans le Malana, c'est un passage d'ossement de génération en génération. L'arrière grand-père qu'on appelait un bandon. Mais Mbandon a laissé jusqu'à Mbandon numéro 29, il continuera à avoir le crâne d'un bandon au premier. Parce que c'est cela, le Malana. C'est ce bandon-là à qui il doit parler dans cette magie des reliques. Souvenez-vous, allez-y me suivre la vidéo sur la nécromancie et ainsi de suite. Donc, quand vous avez ces pouvoirs, il y a des pouvoirs quand vous partez dans vos histoires de conversion des églises, laissez ces pouvoirs aux autres membres de la famille. Et vos vies deviennent des vies calboignées à cause de cela. Parce que je peux vous garantir qu'au sein de ces mouvements religieux, qui voient le jour à gauche et à droite, qui pour la plupart ne sont que des étrangers. Parce que quand je compte le nombre des pasteurs que nous avons au Gabon, 80% c'est des étrangers. Et ils viennent pour deux raisons. Pour venir s'enrichir, parce qu'ils savent que nous les Gabonais, nous sommes trop naïfs. Ils viennent donc nous détourner notre argent. Et souvent ils passent par nos femmes, nos mamans, parce que la femme est trop naïve, moindre chose, elle est émotionnelle. Et on va venir diviser le mari avec la femme. Ton mari là, il est sorcier. Toi, tu ne vois pas les choses qu'il raconte. Toi, tu ne vois pas les choses qu'il fait. Et elle croit bêtement, alors qu'elle vit avec l'homme dans la même maison, elle n'a jamais eu un malheur, elle n'a jamais eu des problèmes, elle n'a jamais eu des cauchemars. Le mari ne lui a jamais fait quoi que ce soit. Mais elle croit bêtement à ces choses. Donc, ces étrangers viennent d'abord, un, pour diviser les foyers, récupérer l'argent au maximum, prendre nos terres et surtout, voler nos pouvoirs. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont très intelligents. Moi, j'ai discuté avec un ami nigérien, il y a de cela 11 ans, ici aux États-Unis. Je demande, what are you going to do, man? Oh, I know where I'm going to find some ways. Where? I'm going to your country, Gabon. You know, you people, you got a lot of resources. I said, what do you mean, resources? I know what I'm talking about, man. You know, you're too kind. I appreciate that your kindness is really all beyond the love of God. Il me dit, votre gentillesse dépasse même l'amour de Dieu. Vous êtes trop gentil. Voyez-vous, la naïveté. Et c'est ainsi que ce gars est parti. Eh bien, il a compris que nous, les Gabonais, on est trop gentils. Il a roulé même un ancien ministre, lui demander de ceci et cela. Le pauvre lui a donné l'argent. Il est allé lui faire... Vous avez déjà vu un pasteur qui devient ganga? Il a soi-disant fait une consultation. Le Seigneur me donne des visions. Voilà, vous allez perdre votre boulot. Mais c'est normal, tout le monde suit les informations au niveau du gouvernement gabonais. Si vous voyez qu'il y a un ministre qui boitille, et surtout à l'époque, hein, quand le président Ali changeait les gouvernements n'importe comment à un moment donné, mais... Il ne jouait pas, lui. Il cherchait les incompétents. Donc, ce ministre était sur la liste des incompétents. Mais le gars nigérian, tellement intelligent, lui a dit, toi, tu ne seras plus au prochain gouvernement. Wallahi, comment ça? Non, tu ne seras plus. Et pour ce, tu dois me remettre 5 millions. Le type s'est précipité à donner 5 millions. Pour ce... Effectivement, le prochain conseil, le gars, boum, il a chuté. Comment il a su? Mais le gars a un réseau de renseignement. Au niveau de nos gouvernements en Afrique, le gars, il est nigérian. Il y a certains gars nigériens qui sont nés au Gabon, qui travaillent avec certains membres du gouvernement, qui travaillent avec le pouvoir en place. Donc, il a son réseau de renseignement, il lui a donné toutes les infos. Et puis, on n'a pas besoin d'être sorcier pour savoir si tel ou tel ministre ou bien le premier ministre, on va faire sauter le premier ministre. Parce que nous voyons les résultats du travail politique sur le terrain. Pardonnez-moi, on ne parle pas politique ici. Pour vous dire quoi? Nos pouvoirs à nous doivent rester dans nos ancêtres. Ceux-là qui se posent des questions, mais moi, je ne connais même plus mes ancêtres. Oh, ceci, cela. Bon, vous venez. Oh non, la tradition, moi, je n'y crois même pas. Mais c'est normal, on ne vous en veut pas. Si déjà, ceux qui sont nés dans les générations 60 comme nous autres, qui au moins avons quand même plus de 75%, nous avons quand même toujours gardé le pied dans la tradition. On peut être gentil de vous dire, moi, mon fils, il ne faut pas négliger ces choses. Mais ça, c'est remarqué, les gens qui sont nés à partir des années 90, ce sont eux. Ils disent, nous, on n'est pas là dans vos histoires. Oh, rien. Ils sont influencés par la matière, oubliant que la matière résulte de quoi? La matière résulte de l'accumulation de l'énergie, de l'accumulation de l'esprit. Qui dit énergie, dit esprit. C'est cela qu'il faut retenir. Donc, conclure sur ce, le pouvoir qui est donné au sein de la famille, il est désigné pour une personne. Ne le volez pas. Je ne veux pas jeter le sable sur ce que tout le monde a dit ici. Mais retenir que le pouvoir, chacun de vous a un pouvoir. Quelle que soit la chose qu'on vous donne, ne négligez pas. Moi, je peux remettre ma chevalière à l'un de mes enfants, à ma fille. Je lui parle. C'est un pouvoir que je transmets. C'est un pouvoir. Parce que cette chevalière, je l'ai depuis près de 27 ans que je porte ça. C'est un pouvoir. C'est un exemple que je prends. J'ai chargé cela. Je remets ça donc à mon fils et je parle. Tout comme ce bracelet. Ce bracelet, il a été magnétisé, il est chargé. Je peux dire, voilà, ma petite fille, oh, ça c'est pour toi. Mets ça autour de ta main. À chaque fois que tu l'auras, pense à moi. Ce qui fait que quand je me retrouve dans le monde de reflets, quand je me retrouve au royaume des morts, ma petite fille, face à un accident grave, elle touche, comme je lui donne la consigne, pense seulement à moi. Mais quand elle pense à moi, mais mon esprit va se retourner vers elle et la sauver de cette situation. Voilà comment Dieu agit de manière délégatoire et de manière mystérieuse, car les voies de l'Éternel sont impénétrables, difficiles à comprendre par le commun des mortels, à moins que vous soyez initié. Et sachez que si vous êtes celui-là, que les ancêtres ont choisi, mais que vous résistez, que vous êtes là parce que vous êtes au pays d'Abalan, débrouillez-vous à vous initier. Initier veut dire, allez-y dans la tradition. Voilà ce que j'avais à vous dire pour conclure. Maintenant, je vais tenter de répondre à vos questions. Que Teta Mwanga nous bénisse. C'est vrai ce qu'a dit le prêtre. Ma grand-mère a été trompée par un pasteur d'église. Merci de confirmer. Comment faire si nous sommes... Ah non, ça, on a déjà répondu. Comment protéger ce pouvoir traditionnellement? La protection, ça, c'est M. Chikaya qui est du Congo, je crois. La protection des pouvoirs, oui, il faut d'abord être initié. Il faut des rites. D'accord? Il faut des rites. Et on vous fait des rites. Quand vous avez ce pouvoir, il y a des rites qu'on vous montre. Bon, moi, les miens, ma grand-mère, mon grand-père, je parle du côté Sake et également Galois, et mon père et ma mère, ils m'ont donner un code simple qui n'est pas compliqué. Ils m'ont seulement dit, pense en nous. Ma mère est un peu plus détaillée. Je ne vais pas partager ça avec vous. Mais mon père avait seulement dit, pense en nous. Mon grand-père m'avait dit de faire quelque chose. Et comme le roi Makoko l'a dit tout à l'heure, quand je dis le roi parce que c'est son incarnation actuellement, ne soyez pas choqués. Lui, il a dit quoi? Il a dit qu'il faut le faire par rapport aux points cardinaux. Il y a quelque chose. Même votre rite, pour vous répondre à votre question, même le rite de purification, le rite de protection, le rite, quel que soit le rite que vous allez faire, quand il s'agit de se connecter avec les ancêtres, c'est toujours face. Je me tourne. Voilà. Vous voyez là où je suis debout. C'est cela. Je me tourne ici. Toujours où le soleil se lève. Vous savez que c'est ce que font les musulmans. C'est ce que font tous les musulmans. C'est ce que font toutes les églises. L'église catholique, l'assemblée de Dieu, ceci, cela, quand le pasteur parle, là où il y a la prêche, là où il y a l'autel où le prêtre prie, c'est en face du soleil, là où le soleil se lève. Regardez la position de Sainte Marie à Libreville, regardez bien. Il y a une raison. Ça, c'est ce que nos ancêtres font. Donc maintenant, pour garder ces pouvoirs-là, comme vous avez posé la question, il faut, pour protéger ce pouvoir, il y a une manière de nourrir ce pouvoir. Il y a les émotions, il y a également les rites. Il y a des rites, d'accord? Mais je ne veux pas partager ces rites ici au public. Si vous avez ce pouvoir, rapprochez-vous auprès de vos ancêtres, rapprochez-vous auprès de vos parents. Maintenant, si ceux-ci ne vivent plus, il faut faire le rite du vin, s'il vous plaît. Pourquoi je parle chaque fois du rite du vin? Parce que c'est le rite le plus efficace, que moi je fais l'expérience, qui vous met directement à l'écran pour rentrer en communion avec vos ancêtres. Les ancêtres vont parler, ils vont vous dire, bon, qu'est-ce que toi tu veux? Et puis vous expliquer. D'accord? C'est là qu'ils vont vous montrer la révélation. On avance. Papa, quand la famille s'est occidentalisée sur plusieurs générations, comment fait-on pour savoir où s'est passé ce pouvoir, où il y a des réclamations peut-être violentes? Bon, je comprends cette question, oui. Si les familles se sont occidentalisées, eh ben, il n'est jamais trop tard. Parce que je vous ai toujours donné l'exemple. Ici, aux États-Unis, il existe un site qu'on appelle the Ancestry.com. Ancestryhistory.com. C'est comme cela, beaucoup d'Américains qui n'étaient même pas là lorsqu'il y a eu l'esclavage il y a 400 ans. Les premiers Noirs qui sont venus ici il y a de cela 400 ans. Mais comment ils ont découvert qu'ils sont Benga, comme elle, Samuel Jackson, là, qui est parti au Gabon, rendre le passeport au Gabonais. Comment ils ont su? Ou bien comme Madame Oprah, qui a découvert que finalement, elle est Bamileke du Cameroun, alors que ses ancêtres sont arrivés ici il y a 400 ans. Voyez-vous? Donc, si vous êtes occidentalisé, ça ne date pas de 1940 quand même. C'est peut-être là récemment, dans les années 60 ou les années 80. Donc, vous avez une traçabilité historique. D'accord? Et cette traçabilité historique, moi, c'est un privilège pour moi parce que moi, tous mes enfants, dans ma biographie, dans mes essais, je donne l'histoire de ma famille. Où venait mon grand-père, ma grand-mère, leur tribu, leur clan. Il faut écrire. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas eu cette machin. Et comme l'expliquait tout à l'heure nos amis de la société civile, que, à propos des histoires des terrains, maintenant que les étrangers viennent nous arracher, ils disaient que nos ancêtres, pour la plupart, dans les années, combien là, par exemple, on nous parle du cas de terrain, là, de 1904. Bon, mais imaginez-vous, le pauvre, il n'y avait même pas l'école. Au Gabon, il n'y avait même pas l'école, CP1 ou je ne sais pas trop quoi. Donc, les gens n'avaient pas cette facilité d'écrire et de déposer les informations sur un document. Ça partait de bouche à oreille. Mais à partir des années 50, 45, bon, moi, mon grand-père est né en 1897. Et étant né en 1897, il a eu la grâce, il a fait quand même l'école, et c'est ainsi qu'il a pu documenter son histoire. Donc, maintenant, pour votre cas, les histoires qui sont occidentalisées, sûrement quelqu'un au sein de la famille a laissé un pouvoir. Je vous ai toujours parlé de l'exemple de M. Boulingui, Nazaire. Et pourtant, c'est quelqu'un que moi, je n'ai pas connu personnellement, mais il y a des parents qui l'ont connu. Et aujourd'hui, il a des enfants. L'un de ses enfants, je ne vais jamais citer son nom, se retrouve dans le Wellington. Il paraît que c'est un chrétien. Mais savez-vous que ce monsieur avait des pouvoirs? Mais que ces pouvoirs se retrouvent aux mains de certaines personnes. Je le sais comment. Mais parce que je suis en communion avec certains initiés qui font partie de cette descendance, de ce clan-là du vieux Nazaire Boulingui. Voyez-vous, c'est un nom parmi tant d'autres. Vous prenez le cas de M. Omar Bongo. Tout le monde le connaît. Bon, on le connaît politiquement, mais mystiquement et spirituellement. Mais forcément, il a laissé des pouvoirs à quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est même pas dans la politique, hein, je vous signale. Inconnu du monde politique. Donc, il y a toujours quelqu'un qui garde cela. Maintenant, si c'est occidentalisé, comme vous dites, faites des recherches, faites des voyages au retour à la source. Allez-y au village. Forcément, Moussaou, votre arrière-grand-père, était né où? Ben, il était à Mouila. Mais vous partez à Mouila. Mais je vous dis, il y a encore des vieux qui sont là, des vieux qui ont même 90, voire 100 ans, qui vivent. Qui peut vous donner la traçabilité historique, comme je le disais tantôt? Donc, pour ça, ne vous découragez pas. Parce que je vous ai pris l'exemple le plus patent, c'est celui des Américains. Comment les Américains découvrent qu'ils sont descendants de la famille de Dahomey, du Dahomey au Bénin? Comment cela? Hein? Comment ils découvrent qu'ils sont du Cameroun, du Gabon, de ceci? Ils sont des Bengas, ils sont des Gallois. Il y a même un, je ne sais même pas, il vient me dire, non, lui, il est Gallois. Pas moi, mais il a dit en pleine radio, « Yeah, this is people called the Gero, Geroa. » Ils prononçaient très mal. Mais quand ils ont écrit sur l'écran « Gallois », j'ai dit « Hein ?» J'ai cherché à contacter ce monsieur via les réseaux sociaux. J'ai pu l'avoir une seule fois. Et vous le connaissez, il s'appelle Tedo. C'est celui qui a tourné le film « Hôtel Rwanda ». Le film est intitulé « Hôtel Rwanda ». Ce monsieur est Gallois. Voyez-vous, il a découvert comment. Mais il a fait des recherches. Donc, vous également, pour la question que vous me posez, faites des recherches, faites des voyages. Vous avez cette opportunité. Maître, bonsoir. Do you believe that Africa and our leaders should make use of our traditional heritage to deal with the issues like the war, during the war in the Congo, many people who believed in our power, pure where? The power where? Okay, I think your phrase was cut up. I don't know. Yes. Now, I'm sorry. I'm going to bring out a name. And now, don't be upset. Don't be offended, because the name I'm going to bring out, a lot of leaders, a lot of people on the diaspora, they don't like that name. The name of the person I'm going to give you is Mr. Kagame. Have you watched all the most of his lectures, most of his speeches? He's talking about the leadership by African leaders. And the African leaders can unite. African leaders can do some. The reason why I'm apologizing, because they have internal business going on between the Republic of Democratic of Congo, the Rwanda, you know, it's all over the place, all over the news. So that's why I apologize to bring that name out. But Rwanda, the Mr. Kagame, the reason why I'm picking his name, is among them. And there is another guy. He's from Kenya, the current Kenyan president. He's a good example. Mulema, this guy, the leader of the MPP or whatever it is, the South African leader. He's talking about it, the guy who kicked the French. He want to kick the French power out of Africa. So yes, the main issue here, I understand. This is what it's possible for you to answer your question. I do believe that there is an awakening of our self-consciousness, there is an awakening of the youth. Unfortunately, like our, you know, the grandson of the King Makoko was saying, the thing is, we try to we bring in the our traditional reconnection with our ancestors through the politics, and that's what we're not supposed not to do that. When we're talking about the return back to the root, when we talk about the Kemite, we talk about Kushite or Kemite or Kemit, whatever you call it, the return to our root, the return to our traditions, we shall not and we should not mix it with the politics. And that's where the situation is going on. And most of the young folks we've seen, what we call the Pan-African movement, which is the new generation to move on to take back the power, to take back our country, to take back our continent country, the Africa, you know, all united 54 or 57 countries of all to become one. Of course, Sankara, Thomas Sankara he died for the same cause. Olympio, he died from the same cause. Nyerere, somebody, he died from the same cause. Jomo Kenyatta, he died from the same cause. I mean, the list will be long and long and long. So I believe, yes, that you, young generation, who are watching me right now, the return to our roots, the return to our traditions and practices will help us, of course, to enhance our consciousness to how to lead our governing system, how to evolve, how to innovate the new philosophy, the new way of conducting ourselves, the new way of leading our nations. Yes, it's possible. I believe that. But, you know, we do have the speeches is something else and actions is something else. We should act and more and act and act and act. And the only way we can act, that's why you guys, I always tell you, please, let's multiply seminaries, conferences. Yes, travel around and pass on the message. We are not against our Western people or friends. We are not against our white folks and friends. No, we know what we had. It was the past. But remember, we cannot forgive. We can forgive, but we cannot forget. And it's in our memory. It's in our universal memory, our old African collective mindsets. It's already in there. We will never, ever forget what happened 400, 500, 600 years ago. But are we going to be stuck and not moving forward because of that? No, I don't think so. Yes, I believe that the new leadership should focus more to mix our roots, tradition roots, with our political arena. political ambitions as well. But our political ambitions shall not be so violent in a way of going and taking a war, taking guns and all that. No, because I see that in some young folks, some young generations on their faces, it's always violence, violence. No, no, no, no. The violence is not the right way, but we have the opportunity with the new technology, with the new way of the new era of the 21st century, is this technology we have available. Let's use it at least. We have the guarantee of a free speech, freedom of expressing ourselves. It will be a good way to go and move on. I think that's what I can tell you. The war in the Congo, yes, I know. It's so sad, and it's keep going on. That's why I was saying I apologize about mentioning Mr. Kagame's name, because his country has been always cited, has been always brought up about that war going on. I don't know, man. I don't want YouTube to get upset about this. I ain't trying to talk about politics here. S'il vous plaît, doit-on aussi invoquer les ancêtres qui, de leur vivant, n'étaient pas clairs et poser des actes selon ce qu'ils ont connu de sorciers maléfiques? Vous êtes tout nouveau, je réponds à ces questions-là dans les forums. On dit, il y a une vidéo, allez-y dans ma vidéothèque, là. Là, là. Hein? Je traite de cette question. Il y en a 7 vidéos disponibles. Excusez-moi, je parais un peu dessus, mais parce que je constate que les gens ne font aucun effort. Quand je viens ici, je sors ces vidéos, ce n'est pas pour perdre le souffle. Étudiez, soyez des bons étudiants. C'est vrai, pardonnez, il y a certaines qui sont longues parce qu'on a eu plusieurs intervenants et je dois répondre à vos questions. Bientôt, je vais arrêter d'ailleurs. Il est déjà combien? Oh, je m'accorde encore seulement 10 minutes et puis on arrête. Pour répondre à votre question, les ancêtres qu'on connaît, l'histoire, on sait que ces ancêtres de leur vivant, c'était des bandes de voyous, c'était des assassins, c'était des criminels. On n'a rien à cirer avec eux. Parce qu'à tout état de conscience égale à tout état de vie. Quand vous quittez le monde matériel et que vous êtes dans le monde du royaume des morts, il y a une sélection qui est faite sur le poids karmique. Votre poids mystique, votre poids karmique joue un rôle important quant à la détermination de comment votre pouvoir ou votre taux vibratoire peut être actif. Donc, pour répondre à votre question, ne contactez que les ancêtres qui ont eu une bonne moralité ici-bas, les ancêtres avec que vous connaissiez, je l'ai répondu dans les autres vidéos là-bas. Connectez-vous seulement avec les ancêtres que vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, pardon, ne les provoquez pas. Parce qu'on vous a dit non, le général Boulingui était cherché, chala. Bon, pardonnez-moi hein, que la famille Boulingui me pardonne, mais vous ne connaissiez pas ce qu'il était dans sa vie privée. Moi, je connais l'histoire privée de mes grands-parents. Donc, et je n'ai pas à me tracasser à appeler, par exemple, mon arrière-arrière-grand-père, c'est-à-dire que le père à mon grand-père, parce que je connais son histoire. Hein, c'était quelqu'un de bizarre, faisait des pratiques hors normes. Ça, là, je ne peux pas le déranger pour l'amener où? Donc, nous ne pouvons travailler qu'avec ceux-là, que nous connaissons l'histoire et qui, dans le plan de leur dernière incarnation, ils étaient des gens qui n'étaient pas des sorciers maléfiques. Merci beaucoup. Oui, le pasteur vole toujours les pouvoirs. D'accord. Donc, nous avons fini les questions. Si vous n'avez rien reçu de matériel et avez été désigné chef pour mener le troupeau, que faire? C'est pas nécessaire de vous donner seulement le matériel. Si vous avez bien suivi le petit-fils du roi Makoko, ça peut être aussi les paroles, les bénédictions. On vous prend les mains. Moi, partout où je passais, je n'oublierai jamais, à Umbwe, à Nchonga, à Congo, à Zile, à Bibouenya, toutes les vieilles là, les vieilles Fang, les vieilles Ngoé, les vieilles Galois, Kota, toujours me prennent les mains comme cela, et puis on fait ceci, ils parlent, ils soufflaient et ils me levaient les mains. Ça là, c'est un pouvoir qu'on vous donne. Et à chaque fois donc que vous êtes face à une difficulté, pensez seulement à cette scène là. Cette scène suffit pour vous connecter avec la personne qui vous a fait cela. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir seulement des contacts matériels, une bague ou bien une assiette blanche, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est cela. Vous n'êtes pas obligé. Et il peut arriver aussi, là, je parle des personnes à qui on donne les pouvoirs. Il y a des gens, on n'est pas obligé de vous donner les pouvoirs. Non, non, non, non. Et il ne faut pas envier, justement. Je vais vous raconter une histoire. Ça m'a été conté par une personne qui nous suit. Oh, c'est triste. C'est une histoire qui se passe avec son propre collègue. Ils sont tous aux forces armées. Eh bien, le frère de ce monsieur, donc leur papa, je crois, s'apprêtait à mourir. Et le papa, avant de mourir, donc, l'appelle. Il dit, viens ici, viens, viens. Et l'autre frère observait. Il lui dit, il fouille la poche. Il dit, prends, prends. Il lui a donné un vieux billet Un billet, je crois, de l'ancien temps, un billet de 500 francs ou bien 50 francs. Parce qu'il avait les billets de 50 francs à l'époque, l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Il lui a donné ce billet. Il dit, prends ça. C'est tout ce que je peux te donner. Mais ça fera de toi tout ce que tu veux. Ce monsieur vit encore, alors je vous parle. Le monsieur prend le billet, il le met dans sa poche. Mais son frère a observé la scène. Le frère jaloux, comme l'histoire d'Ésaü et Jacob, là. Le frère très jaloux, il appelle. Il dit, mon frère, oui, oh, s'il te plaît, je veux la monnaie. Oh, mais quelle monnaie? Je n'ai qu'un billet. Non, mais je t'ai vu là. Tu es sûr, donne-moi le billet que tu as là. Oh, mais comment ça dit, donne. Ça va. Je vais faire la monnaie. Hein? Donc, il a fait la monnaie de ce billet que le papa, qui savait qu'il était puissant, lui a donné. Et ce papa, ce billet, il avait reçu de son arrière-arrière-grand-père. Donc, bêtement, il prend le billet et il le tend au frère. Et le frère, en échange, lui donne d'autres choses. Alors, je vous parle, ce monsieur-là qui a pris le billet, là, il a des maisons, il a investi dans l'immobilier. Tout marche pour lui. Tout ce qu'il veut, il le désire. Mais il a gardé ce billet-là. Il a fait un temple secret et c'est là où il conserve ses billets. Même les femmes qu'il a connues, personne n'a le droit et avoir accès là-bas. Vous voyez cela? Vous voyez cela? C'est le secret. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui peuvent voler vos pouvoirs. Ça, il faut le retenir. Ça, c'est l'histoire qu'elle m'a racontée et c'est triste. Elle m'a raconté une autre histoire. C'est l'histoire d'un frère et une sœur. La sœur, avant que la grand-mère parte et la mère, elles ont laissé des pouvoirs. Mais ces pouvoirs étaient désignés à la femme. Parce que, je ne vais pas citer cela pour ne pas offenser peut-être que le frère de la personne me suit, elle-même est en train de me suivre. Ben, c'était une assiette d'une certaine couleur et avec du kaolin blanc, avec d'autres éléments. D'accord? Vous voyez que l'assiette blanc ou kaolin blanc, ce n'est pas généralement un homme qui a le droit de manipuler ça. Donc, ça a été donné directement à la mère. Et la mère, à son tour, avait dit que ça va être désigné à la fille. Mais malheureusement, chose passée, ben, la fille n'a pas pu rentrer en possession de ça. Et c'est le frère qui vient voler ça. Le frère prend ça, il amène. Et quand il prend, rien, zéro, rien ne se passe pour lui dans sa vie. Il se pose des questions. Mais il voit que la sœur évolue. La sœur, avec seulement le petit 10 francs qu'elle gagne, elle a réussi à investir. Elle fait des affaires. Elle a eu des concessions. Elle a de l'immobilier. Maintenant, le frère prend cet argument pour aller faire la publicité au sein de toute la famille. Oui, ma sœur, elle est sorcière. Regardez-moi ceci, cela. Mais entre-temps, il oublie que les éléments qu'il a entre ses mains-là, ou ce soit l'assiette, ou je ne sais quoi, le kaolin rouge, et les deux plumes des perroquets, était destiné à la sœur. Mais la grand-mère avait parlé, la maman aussi avait parlé, que ça doit repartir de femme en femme, et que c'est elle, puisqu'elle est l'aînée, c'est elle qui va recevoir le pouvoir. Mais le petit frère n'est pas au courant. Le petit frère ne savait pas tout cela. Donc, il est en possession des pouvoirs qui étaient destinés à sa grande sœur. Et aujourd'hui, ce dernier est calboigné, alors je vous parle. Il ne veut même plus s'entendre avec sa sœur. Et la sœur ne fait qu'avancer, évoluer. Hein. Pourquoi? Mais parce que ça avait été désigné, c'était désigné pour la sœur. Donc même si lui vole ça, il peut faire ce qu'il va faire, il ne va jamais réussir. Parce que les malédictions ont été données à la sœur. Et les symboles en question sont réservés uniquement aux femmes. Qu'est-ce qu'un homme a à y avoir avec du kaolin rouge ou du kaolin blanc? Ça va commencer comment? Et des choucrous avec une certaine assiette d'une certaine couleur, ou bien des plumes et des perroquets. Ça, c'est des choses qu'on remet normalement aux femmes. Donc, retenez-le. Je vais finir et j'en ai terminé. Les pouvoirs qui nous sont donnés servent au bonheur des futures générations de la famille, servent à la protection, servent à la richesse, à l'opulence, servent à une vie aisée, vous facilitent et vous ouvrent les portes. Ce n'est pas forcément pour vous rendre multimilliardaire. Le cas de cette maman dont je vous parle, elle est tranquille dans son coin. Et pourtant, elle ne gagne pas un gros salaire. Mais aujourd'hui, le frère en question a une dent contre elle. Entre-temps, lui, le frère, il ne fout rien. Voyez-vous? Et au lieu de s'humilier pour dire que, ah, ma grande sœur, pardonne-moi, oh, je te remets ce qui te vient de droit, mais pardon, parle à ça pour que moi aussi je puisse réussir. Rien! Vous voyez les choses? Donc, dites la bouche des bénédictions. Vous devez savoir que ça, quand vous l'avez reçu, Vous êtes une onction pour la famille. La manière de pouvoir distribuer cela, on vous donne toujours un code. Je vous remercie tous pour ce dernier live. Enfin, quand je dis dernier, bon, je vais dire live, mais vous aurez tous les enseignements préenregistrés. Là, j'ai 2 ou 3 vidéos qui ont été préenregistrées. Vous allez les recevoir, d'accord? Je vais les poster. Mais aujourd'hui, c'était assez exceptionnel. Je vous avais promis que le 17 juin, ça risque d'être mon dernier live. Voilà pourquoi. Hier, je n'avais pas le temps. Et aujourd'hui, je suis venu donc partager avec vous ces quelques connaissances-là sur les histoires des pouvoirs. Oh, à quoi servent les pouvoirs que nos ancêtres nous laissent et les dangers que cela représente si ça tombe sur des mauvaises mains, d'accord? Et à partir d'aujourd'hui, apprenez à vous connecter avec les vôtres, renseignez-vous et vous aurez beaucoup, beaucoup à apprendre. D'ici là, portez-vous bien, que Teta Mwangali Bangabanga vous bénisse. Bon week-end. Pour conclure, une fois de plus, à mes détracteurs. Mes détracteurs, c'est surtout des chrétiens qui viennent toujours au nom de Jésus, qui viennent toujours. Vous ne vous fatiguez pas. Hein? Si vous ne voulez pas regarder ce que moi je dis, moi je ne sais pas pourquoi vous avez l'amour. Moi j'ai vu certains d'entre vous, vous avez volé et vous faites les critiques sur mon rite qu'on m'a piégé un sorcier. Vous me dites, moi je suis sorcier. Mais il n'y a pas de problème, je suis un sorcier. Mais entre-temps, vous volez les techniques du sorcier. Vous-même chrétien, vous êtes calboigné et vous venez maintenant avec l'orgueil. Comme vous ne voulez pas admettre, vous humilier comme votre Jésus vous le demande. Vous ne pouvez pas être le disciple de Jésus si vous n'êtes pas humble. Or, être humble, c'est quoi? Mais c'est aussi reconnaître la valeur de l'autre. Jésus a dit, je ne suis pas venu diviser, je ne suis pas venu modifier la loi, je ne suis pas venu modifier les traditions. Je suis maintenant venu accomplir et je suis pour tout le monde. Ça, c'est votre Jésus qui le dit. Mais en Afrique, rien, il n'y a que des guerres. Je n'ai jamais vu au pays des Blancs se battre au nom de Jésus. Jamais! Que ce soit en France, en Allemagne, n'importe quel pays d'Europe, jamais, jamais, jamais, jamais. Ils ont compris le secret de Dieu. On ne fait pas du bruit, comme le disait tout à l'heure le petit-fils du roi Makoko. La relation avec Dieu, elle est personnelle. Le salut est individuel, personnel. La connexion, elle est intime. Vous ne verrez jamais. Voilà pourquoi les Blancs qui viennent en Afrique, les filles ont tenté les fétichés, mais à la fin, le fétiche se retrouve contre eux. J'ai le témoignage de quelqu'un ici. Bon, il est dans les forums, je ne veux pas parler de son histoire. C'est un frère blanc, mais qui aujourd'hui a des problèmes. Mais qui ne sait pas, parce qu'il épouse une femme noire. Mais cette femme noire, quand on lui a fait les consultations, eh bien, il y a eu beaucoup de choses. La vie est calmoignée maintenant. Voyez-vous, vous voulez forcer l'amour pour le mec, à la fin, le mec finit par vous détester. Vous posez la question, le blanc n'est même plus, c'est comme, hein, ainsi de suite. Mais c'est l'enfant d'autrui, l'esprit reste l'esprit. Que ce soit l'esprit d'un blanc, soit l'esprit d'un noir, il y a toujours des gens qu'on prépare. Détrompez-vous, les blancs, ils sont attachés à leur tradition. Vous le voyez, il prend la Bible, il va à l'église, il ne va pas faire du bruit comme l'homme africain. Vous voyez la vidéo, quelqu'un vous venez à ma chaîne, qui vous a invité d'abord? Qui vous demande de venir à ma chaîne? Il y a des pasteurs qui sont sauvés grâce aux connaissances que j'ai. Bon, maintenant, vous êtes là, trop zélé, vous venez faire des critiques, oh, vous êtes diable, vous êtes ceci. Mais mes frères, ayez un peu de la décence. Votre même Bible condamne l'injure. Vous venez m'injurer, vous m'avez même vu répondre. Je ne réponds même pas, hein? Je garde mon silence parce que tout ce que vous dites là, c'est des conneries. Vous êtes accablés, vous êtes jaloux. Moi, dans mon évolution, j'aide des vies. Et pour la plupart, gratuitement. Et on avance. Et je reçois les bénédictions du Dieu suprême. Je vous l'ai toujours dit, j'adore le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Et ce Dieu tout-puissant agit par pouvoir délégatoire. Et vous agissez avec votre Grégoire appelé Jésus. Ça, c'est votre business. Et moi, il agit par pouvoir délégatoire à travers mes ancêtres, à travers des entités qui sont des génies qui ont été toujours à la portée de mes ancêtres à moi. Et c'est comme ça sur toute la terre. Je n'ai jamais vu un Chinois aller emmerder les gens, faire du bruit sur Jésus. Les Chinois évoluaient, il y a seulement peut-être 2% de la population chinoise, et dans la grande capitale, c'est là où on trouve des chrétiens. Mais rentrer dans la Chine profonde, la Chine s'est développée. Le président chinois actuel, son premier ministre, tous les membres du gouvernement, tous sont à 100%, c'est des bouddhistes. Ils posent le genou devant leurs ancêtres. Allez-y également, les traiter de sorciers en entre-temps, ce sont eux qui pillent les richesses. Ce sont eux qui dominent le monde actuellement. La Russie, c'est la même chose. Il y a une grande route de près de 1050 km de longueur entre la Russie et la Chine. Ils se sont connectés. Ce n'est pas Jésus qui a fait cela. C'est une volonté, une volonté de peuple pour l'innovation et l'amélioration de la vie des gens sur Terre, pour éveiller la conscience des gens. Et les Russes aussi, ils croient en leur Dieu. Mais nous, l'Afrique, on ne va jamais se réveiller. Quand un frère africain essaie de faire quelque chose, vous êtes là en train de critiquer ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas le faire pour vous-même. Votre Jésus a fait quoi dans vos vies? Il y a certains, ça marche. Moi, quand j'étais dedans, ça marchait. Mais j'ai découvert la vérité. Parce que le secret, c'est ici, dans la tête. C'est ça, la foi. La foi, c'est une vague croyance. Vous croyez aveuglement. Moi, je suis un homme. Je suis scientifique, moi. Et si je suis branché avec la tradition, parce que c'est scientifiquement prouvé. Scientifiquement veut dire, moi, je porte un nom. Ce nom, c'est le nom de mon grand-père, le nom de mon père et le nom de mon arrière-grand-père. Donc, Vandelon Nouvier, Mouéré. C'est une combinaison et ils sont connectés à une histoire qui m'amène à mon cordon ombilical jusqu'au premier homme. C'est aussi net et clair. C'est ça la science. Et la science me révèle que le corps matériel là se détruit parce que c'est fait à base de la matière. Voilà l'exploitation et la compréhension et l'interprétation des écrits de la Genèse. L'homme fut créé à partir de la terre. Mais c'est normal, vous transpirez, il faut, cela, il faut bien vous laver. Quand je vois des gens qui ne prennent même pas de douche pendant 3 fois, et vous êtes les premiers à venir dire, faire des leçons aux gens. Donc, que cela soit clair. Chacun choisit son chemin. Ici, ceci, il y a des gens qui sont contents. Blancs comme noirs. Et c'est ce qui me surprend. Ce dernier temps, en France, j'ai près de 318 abonnés. En une semaine, 318 abonnés. Et j'ai bien vérifié de tous ces Français-là, il y a seulement 2 noirs. Donc, même les blancs, même ils savent. Qui est devenu faire des leçons de morale aux gens? Le monde est en train de s'écrouler. Il y aura bientôt une 3e guerre mondiale. La Russie, maintenant, est venue s'implanter ici à Cuba. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes là, aveuglé avec les histoires de Jésus. Le gouvernement américain a mis embargo économique sur l'Afrique. Il y a une semaine, la loi est sortie. Voilà des choses que vous devez vous inquiéter parce que bientôt l'Afrique va être carboyée. Au lieu de prier pour vos dirigeants, pour qu'ils changent les cœurs, pour que la situation s'améliore, non, vous êtes là, en train de passer le temps à critiquer les gens n'importe comment. Voilà les choses que vous devez vous inquiéter. Et priez pour la paix. Vous priez, vous êtes des hypocrites, vous venez critiquer les autres, vous venez les insulter, les traiter de pieds d'oiseaux. C'est quoi votre problème? Vous n'avez pas d'autre chose à faire? En dehors de vous branler, là, de vous masturber, je ne sais pas, forniquer n'importe comment. Que Dieu vous pardonne. Et d'ici là, portez-vous très bien. Bon week-end. Merci encore.